assez fou. Les extrêmes, ça nous anime. C F O U 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage requis. Stéphanie Paradis viendra nous faire un survol du dernier journal sur le campus de la session. Marie-Pierre Laforge-Bourret sera avec nous pour sa chronique aléatoire, etc. Et on fera des mouvements de va-et-vient, etc. dans le segment qui sait, etc. Va et viens, etc. Non? Ah, OK. Ouais. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 17 avril 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Yo, moi, c'est JP. Hey. Je voulais faire un changement. C'est JP d'Assemblage. Ouais, yo. Et Stéphanie Paradis, là. Oui, bonjour. Dès le départ, straight to the top. Ben oui, j'étais arrivé en avance ce matin. Ben, comparé à la semaine passée où les deux, Jean-Philippe et Stéphanie, étaient en retard et j'étais poigné avec David Ferron. On pouvait roter. Oui. En fait, on le savait. On t'a regardé par la petite vitre. Mais non, là, vous êtes là. Et parlant de poing roté, Stéphanie, mes aventures avec ton café ce matin. Ah ouais. Il y avait trop de café dans ta tasse. Ben non, mais je faisais juste regarder le café couler dans ma tasse. J'étais comme, oh mon Dieu, mais arrête, s'il te plaît. Et ça montait jusqu'au niveau du rebord. Pousse le nana et mouille le café. Finalement, c'est arrivé vraiment très, très juste. Puis là, je me suis dit, ben, coudonc, hein, ça sera pas de lait ce matin. Pas de lait. Ouais. Et là, tu ris de moi parce que j'ai enlevé le surplus de café avec une poire à jus à rôti. Tu sais, là, comme pour la morve chez les bébés. Là. Oui. Ouais. Mais j'avais plus de cuillère. Ben non, mais c'est la seule excuse acceptable, à mon avis, pour utiliser la poire, c'est que t'avais plus de cuillère. Moi, je serais allé à laver une cuillère, t'sais. Ben, je sais pas, je trouve que... En renversant un peu en dessous du lavabo. Exactement. Non, mais la poire est un outil très efficace et on s'en sert si peu. Pourquoi ne pas l'utiliser quand on a la chance? À bon escient. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Et voilà. Moi, c'est comme ce matin, je cherchais un petit bol de plastique, tu sais, avec un petit couvert pour mettre mon petit poulet, pour mettre mon petit bagel de ce midi, comme je mange tous les mots du midi. Oh! Ouais. Mais j'en avais plus, le petit bol, ça ne pourrait pas le laver, fait que... T'as mis ça dans une poire à jus. C'est ça. Je vais pouvoir m'injecter ça directement dans les narines comme un bébé. Oh! Hop. Non, on va te gaver comme une oie. Une oie? Oui, c'est ironique, tu sais, comme... L'oie 101? Non, mais se faire gaver de poulet. Oui, oui, oui, avec des vers de terre. Ouais. les oiseaux, ils les nourrissent directement dans la bouche de leur... Je suis pas sûr que c'est avec des vers de terre. Non, peut-être pas. En morceaux, non? En petits morceaux? Je sais pas. Broyé, comme dirait David Ferron, dans le blender. Bon. Donc, assez parlé d'un gars qui ne sera pas avec nous aujourd'hui. Parlons du plan d'émission d'aujourd'hui. Donc, à 7h30, Stéphanie Paradis et le survol du journal dans le campus. Ok, oui. Question en couverture, le 41e gala de Mérin Sportif. Exactement. Ça fait quoi, trois numéros de sport de suite? Non, le dernier, c'est ça. C'était la GE qui est venue entrecouper tout ça. Voilà. Mmh. Ensuite, à 8h30, Marie-Pierre Laforge-Bourret, pour sa chronique aléatoire, etc. Elle nous parle de films la plupart du temps. C'est encore ça qu'elle va faire aujourd'hui. Je crois que oui. Je peux presque confirmer. OK. Good. sinon, on va faire à 8h à la place de 8h30, qui est Sexy Time. Oh! Oh. Chronique sexy, monom. Et on va débuter l'émission tout à l'heure avec Sex, mais ça devrait répondre là, comme on aime le faire le mercredi. Oui! Oui! Ça va être une belle journée. Ah oui, petite journée là, pour nous autres, qui vous va commencer la vôtre, nous, à 9h, c'est fini. Non, on finit ça, nous, on finit ça. Ouais. Switch à off. On travaille là-dessus depuis 4 heures. Oui, oui. Ouais. Comme oui. Oui, oui, c'est oui. Ça. On se lève à 3 heures. Puis, J'appelle Gino, je suis là. Hey, ouais. Qu'est-ce que tu fais matin? Ben, ouais. En tout cas. Claude Poirier. Oui. Ouais. Hein, joke de poire encore. Ah, oh! Ouais. Donc voilà pour Assemblage Requis ce matin. On débute en musique avec Hôtel Morphée. Oh. Les histoires de fantômes, c'est un petit peu qu'on n'a pas entendu. Ou à U-Y-Y-Y. Wouhou! Ah! Assemblage de qui? Jusqu'à 9h. Des studios de C'est fou. En direct. Encore des histoires de fantômes d'Hôtel Morphée. Moi, j'aimerais ça me faire susurrer ça encore comme ça. Oui, hein? Mm-hmm. C'est tentant, hein? Mm-hmm. Je peux te repartir la fin, si tu veux. Vas-tu l'entendre? Non. C'était juste... Aïe, il y a comme 10 secondes comme de rien à la fin. C'est un mini coup de gagne en fade. Gagne. Comment tu dis gagne? Je dis... gong, comme ça. Peut-être que c'était l'autre tune d'avant. Peut-être ça. Oui, peut-être. Fais-y. Mmh. Je sais pas, que toi. Or. Ça, c'est moins fun. Ouais. Or. J'ai trouvé de l'or. Sugar Daddy! Oui, Jean-Philippe, hey, parlant de Sugar Daddy. Oui. Ben voyons. Je suis pas revenu de bonne humeur comme d'un coup sec. Je suis super emmerdé. Mais bon, parlant d'or. Oui. On veut acheter des choses. Ah. Compte de l'or. Ah ouais. Du troc. Des écus. Compte des écus ou de l'écume, pour ceux qui aiment bien les fourrures. La fourrure. Oui. C'est ça existe, mais ça devrait répondre là. Ça existe, mais ça ne devrait pas. C'est la chronique où on achète des choses, où on règle les problèmes de la vie de tous les jours et chacun ses problèmes. Hein, on va chacun se les approprier, ces problèmes-là. Donc, Jean-Philippe et Stéphanie vont suivre avec moi sur assemblagerequis.com. Vous pouvez juste écouter et suivre plus tard, retrouver les liens que vous voulez et acheter des choses sur le site une fois la chronique terminée. Mais quand même, ça se comprend bien, même sans les images. On commence avec une boucle de ceinture avec un jeu de Simon dessus. Vous vous rappelez Simon, là? Simon, c'est le petit jeu avec des lumières que tu dois refaire dans l'ordre que tu te demande de peser. Les lumières s'allument. Rapidement, je pensais que c'était une balle de Pokémon. Ben non, bento bébé! Mais avec plein de couleurs. Il y a ça. Ah, est-ce qu'en français, c'est un Jean-Di? Ah, Simon 16, c'est vrai. Je sais pas, hein? Jean. Ah. C'est le jeu de Jean. C'est poche, hein? Ça fait poche. J'aimerais mieux jouer avec Simon, il a l'air plus sympathique. Oh, ben on pensait pas savoir autant sur un de nos chroniqueurs ici, hein? T'aimerais ça jouer avec Simon, il est plus sympathique. Moi, c'était un Simon random. Hein? Ah, c'était pas Simon Fitzbé. Non, random. OK. De son petit nom. Donc, c'est la boucle de ceinture Simon, qui est un mod par If Industries. Donc, on peut pas l'acheter littéralement, malheureusement, mais quand même. Et vous allez avoir l'air vraiment, vraiment geek. Il y a personne qui va vouloir jouer avec votre Simon sur votre ceinture. Là, on s'entend que tu te présentes n'importe où. Hey, veux-tu jouer avec mon Simon? J'en dis, joue-moi avec l'entre-jean. Donc, pas tout à fait sûr, mais je trouve ça cute. C'est vraiment beau. Ça s'allume pour vrai, des vraies lumières. C'est fantastique. Ensuite, qui n'a pas rêvé d'avoir quelque chose de Batman dans sa vie? Tu t'es tout le temps dit, bon, si seulement j'avais ma bat-ceinture, ma bat-mobile, eh bien là, maintenant, tu peux avoir ton bat-support, hein? Ton bat-cintre, si on veut. Donc, c'est des jolis petits supports à garde-robe, les bat-hangers qu'on a ici. Et puis, c'est la designer Veronika Palukova qui a créé ces supports-là. Et c'est que ces supports-là sont en forme d'aile de chauve-souris, mais comme une chauve-souris à l'envers, donc pendue par ses pieds, avec les petites oreilles en dessous. Et c'est que les ailes se rabattent dans le support. Ah! Donc, ton linge va mieux tenir parce qu'il y a les petits dessous d'ailes qui sont dans le fond sur le dessus quand il est à l'envers. Mais ça fait que ton vêtement s'accroche mieux. Et puis, quand tu veux pas avoir de vêtements dessus, tu rabats les ailes. Ça prend moins de place. En même temps, je laisserai tout le temps ouvert. C'est bien plus cute ouvert. Là. Ouais, là, ça ressemble plus à rien. Absolument à rien. Quand c'est fermé, ça ressemble à une cravate, peut-être. Ouais, peut-être. À peu près. Donc, c'est cool, les bat hangers. Ensuite, vous avez besoin de masculinité dans la vie. Je pense que Jean-Philippe, c'est pas ton problème à toi. Parce que t'es assez velu, on peut se le dire. Est-ce que c'est pas négatif? Non, non, non. Mais en fait, c'est de la moquette. C'est de la moquette coquette. Ouais. Jean-Philippe est velouté de la poitrine. Mais s'il ne l'était pas, il pourrait s'acheter ce superbe chandail, ce sweater, comme on dit. C'est le 70s Hairy Chest Sweater. Donc, c'est vraiment un chandail à manches longues qui a l'air d'être fait en peau, mais qui est fait en tissu, évidemment. Et il y a du poil partout sur le chest et sur la bedaine. Et il y a du bling-bling qu'on peut choisir. Donc, on peut vraiment choisir son modèle avec le collier de bling-bling qu'on veut. Il a l'air huilé. Oui, exactement. Et il n'y a pas la même teinte de peau, vraiment, que le gars qui porte le chandail. Mais bon. Ben non, mais ça doit pas être assez... Ça doit être difficile de trouver un chandail... Il faudrait des teintes de peau comme les fonds de teint. Donc, c'est disponible en version, évidemment, pour hommes. J'imagine qu'une femme porterait ça, ça serait particulièrement sexy. c'est chez Firebox pour environ 62 $ américains. Et sinon, c'est cher. C'est cher pour un chandail qui est une blague, dans le fond. Effectivement. Ouais, parce qu'il y en a des moins chers que ça. Des chandails comme ça, oui. Des camisoles. Et oui. Et ceux qui sont habitués de porter un chandail avec une cravate dessinée dessus, là, c'est comme l'inverse exact. Hey, moi, j'en ai un. Oui, je sais. Et t'as l'air classe avec ça. Uh-huh. Là, t'aurais l'air de... D'un pouilleux. D'un salopard. Salopard. Ben oui, salopard. C'est un bon mot. Ensuite, on se fait tout le temps... Hey, moi, je me fais tout le temps voler mon parapluie. Je vous dis pas combien de fois je me suis volé mon parapluie. Là. Ça n'a pas l'allure. T'as un parapluie? Non. J'ai jamais eu vraiment eu de parapluie de ma vie, en fait. C'est la magie de la radio. C'est ça, on invente des histoires. Stéphanie, Tu t'es déjà fait voler ton parapluie mille fois. Oui. Oui, mais bien sûr. Oui. Donc, il te faut ce Lizard Umbrella, qui est un design de parapluie avec une poignée détachable. Donc, tu débranches, tu déclipses la poignée, tu l'amènes avec toi et donc ton parapluie a l'air brisé. Mettons, t'es au restaurant ou t'es dans un café, il y a tout un rack à porte à parapluie. J'allais pas dire un porte-pluie. Ça fait deux fois cette semaine que je dis porte-pluie. Quel métier plate. Je suis trop fort, ma pluie. Donc, c'est ton parapluie dans le petit rack à parapluie. T'enlèves la poignée, il a l'air brisé, personne ne va le voler. Go, parti pour la gloire. Design de Kim Siokui, Kim Seongjin et Kim Dasol. Les trois Kim qu'on appelle. Hein, c'est un peu le même principe qu'enlever son banc de vélo. Ouais. Ouais. Tu peux pas vraiment partir avec, là, à moins d'être un peu comme... Ben, ou d'acheter un banc de vélo sur eBay. Ouais, ou être debout. Oui, et d'apprécier d'avoir... Non, ben, tu peux pédaler, tu sais, comme quand tu pars vite, là. T'es pas assis. Ben, pas compter de pédale, même. Voyons, non. Ah! Controverse, hein! Scandale! Donc, c'est le Lizard Umbrella. C'est un design gagnant du 2012 Red Dot Award. Donc, bravo pour ce prix-là. Toujours dans le domaine des parapluies, hein, parce que là, il y a mouillé récemment à Trois-Rivières. OK, cool. Merci pour la bulletin météo. Donc, c'est le Shed Rain Square Golf Umbrella, hein, qui est un grand parapluie carré, mais en fait rectangulaire, et avec une poignée en gel. C'est merveilleux. Ça résiste au plus grand vent parce qu'il y a comme des petits slots dedans qui font que le vent ne pogne pas dedans. OK, ça prendrait ça pour les météorologues qui pognent dans le vent. Exact. Pourquoi ils sont dehors déjà? Pour qu'on voit la température, pour qu'on les croit. Pourquoi ils ne sont pas devant une fenêtre? Ben, parce que à cause des moustiquaires sales. Ah, c'est ça! Qui n'ont pas été lavés depuis l'invention, depuis que Dieu a inventé le moustiquaire. Le moustiquaire, ouais. C'est sorti, ça, finalement, le parapluie carré, c'est comme un gazebo. C'est fait pour plusieurs personnes. Tu sais, mettons, t'es en couple, tu veux pas partager, tu veux pas chacun avoir un parapluie, te foncer dedans, entre choc, si la foudre pogne, ça pogne dans juste une des deux personnes, il faut que les deux meurent en même temps, t'sais. Donc un parapluie à deux. Mais si t'es tout seul, tu dois vraiment déranger les autres gens sur le trottoir. Ouais, oui. Surtout si tu mets ça à largeur. Oui, tellement, c'est comme les coupes polygames, là. Ça prend le trottoir au complet. Donc, 11 par 62 pouces, différentes couleurs disponibles, en fait une bonne dizaine. C'est en vente sur Amazon pour environ 30$. Ensuite, problème qu'on a dans la vie, c'est que ton iPad dans le divan, c'est bien bon. On a déjà parlé de plusieurs soutiens à iPad, tu sais, pour pouvoir le mettre sur tes cuisses. C'est jamais confortable. Tu veux un coussin avec l'iPad intégré dedans. Donc, c'est comme un coussin avec des petits slots, 4 slots, et tu imbriques ton iPad dedans. Mm-hmm. Comme une photo dans un album photo. Comme une photo. Mais là, il n'y a pas juste les raccoins, là. Non, ben, ouais, ben, c'est comme. C'est un peu dur à dire parce qu'il y a comme. Tu vois qu'il y a une forme que tu peux le mettre en genre de siège de bol de toilette, tu sais, pour que tu puisses le mettre dans le cou. Mais je comprends pas pourquoi le dessin montre que tu peux transformer ça en l'autre et en l'autre. Comme ça, ça n'a pas l'air réaliste. Hein. Je pense que le coussin que tu peux transformer, mais si tu mets en coussin pour les épaules, là, quand tu fais dodo, je pense que tu peux plus mettre ton iPad dedans. Ah, exactement. Mais tu peux t'en servir pour coussin sur ta bol de toilette aussi. C'est mettons, t'es pas confortable des fesses. Mais je pense que ça sert pas à ça, Mathieu. Non, non. Ah, excuse-moi, j'ai la mise trop. C'est plus drôle, ça. En cas de doute, l'image est plus drôle. Mets-toi là, ces fesses. Donc, c'est la GoGo Pillow qui tient votre iPad en place. C'est magnifique et c'est bon pour la voiture, entre autres. Pour vrai, t'es en voiture, tu bosses, l'iPad tombe à terre. Oh, en dessous du siège, tu sais jamais ce qu'il y a là-dedans. Mettons, tu prends quelque chose en dessous du siège, conseil, va pas le chauffer. Ah, je vais te dire un nom. Hein? On a appris ça. Pas vrai. Ouais. Tu sais, jamais. Donc, ça coûte 20$. C'est le GoGo Pillow iPad. Ah! Tellement. Power Rangers. Oui. Ah, ça a l'air d'un gadget qu'ils vont te vendre dans une infopub, là, ça, c'est... Ben oui, c'est marqué comme vu à la TV. Ou encore, comme ils disent souvent, similaire à vu à la télé. Ouais. Ça, c'est la version cheap du vrai. C'est la version cheap de l'autre version cheap. D'un produit que t'as pas besoin d'avoir. Voilà. OK. Ensuite, on mange du blé d'Inde l'été. La période de l'année où on mange des blé d'Inde s'en vient à grand-père, là, j'imagine, hein? Ouais, fin juillet, août, là. Grand-pas. L'automne. Grand-pas. Grand-pas Bobby. Donc, c'est des trucs pour tenir votre blé d'Inde, mais des formes spéciales, le fun, tu sais. C'est une compétition de design de Im Living. C'est tellement pratique, tu sais, tu manges ton blé d'Inde de même. Ça, pis... Parce que le rhinocéros a des cornes. Ben, c'est ça, c'est un genre de rhinocéros. Il y a aussi un tyrannosaure. Non, ouais, c'est ça, un rhinocéros. Excusez. Ça n'a pas une espèce de petite capine. Ah, je ne sais pas aller jusqu'en bas. Okay. C'est un dinosaure, ça. Ouais, exact. C'est pas un tricératops. Mais bon, Bref, non. C'est que, oui, oui, il y a un cri là-dedans. Il y a toutes les sortes de dinosaures. Bon, chaque sorte de dinosaure. Donc, c'est qu'une partie, c'est les fesses. Et l'autre partie, c'est la tête et les pattes. Donc, il y a des pattes en arrière aussi. Et tu branches ça sur les côtés de ton blé d'Inde. C'est super cute. Et tu manges ton blé d'Inde avec ça. Ça va être disponible pour achat bientôt. Pour l'instant, c'est pas encore disponible. Mais c'est ça. Donc, pour Im Living, c'était Lana Philippone qui a fait le design de ces trucs-là. Et elle a gagné le prix. Donc, bientôt, vous pourrez vous les procurer. Il y a des petites ailes aussi, comme les gens d'ailes de Tortue Koopa dans Mario. Mais ça, j'en ai vraiment envie parce que moi, chaque année, c'est une tradition chez moi. Je fais une grosse épluchette chez nous. Vous êtes tous invités, mais amenez vos porte-bledins. Wow! Moi, j'ai déjà eu des pics à bledins qui étaient en forme de bledins. Ben oui. Ça, c'est très... C'est très années 90. Ouais, vraiment. Le truc en forme de bledin, c'est un peu méta. C'est très, très c'est autoréférentiel. Ouais. Ben oui, c'est pour être sûr de se rappeler à quoi ça sert, parce qu'on les sort seulement une fois par année. Tu veux pas y mettre après une saucisse à hot dog, mettons. Tu sais, mettons. Ah, ce serait quoi cool. Que Stéphanie sert aussi des saucisses à hot dog et des bledins à son Eat Something Phallic Festival 2013. Merci, je vais essayer de m'en rappeler pour le nom de l'événement Facebook. Je peux faire des affiches, je peux t'aider avec ça quand tu veux. Puis on finit ça avec un banana split. Oui, ça finit, on dirait que ça finit en ciseaux. Ouais. Je sais pas. On a déjà parlé de ça dans la chronique, c'est ça devrait répondre là. Le burrito dans lequel on peut dormir. Mais maintenant, c'est maintenant disponible. Maintenant, c'est maintenant disponible, j'aime ça comme phrase. Donc, c'est le Blandito, une création de Aura Daria Design. C'est fait pour être transformable et malléable. C'est un tissu. C'est un meuble en tissu pour la maison qui peut être plié et mis de n'importe quelle façon, la forme que tu veux. Et tu peux le fixer en place avec des genres de crochets de bois qui sont inclus. C'est des petits trucs de bois qui, en tout cas, je sais pas comment ça marche, comme des billes, genre, mais ça tient le truc dans la bonne forme. Donc, le Blandito peut être réutilisé comme tapis, sac de couchage ou sac de, tu sais, beanbag, là, une chaise, là, un genre de divan, tu sais, en petite bille. Une grosse poche. Eat Something Phallic 2013. Donc, c'est ça. C'était un beau petit prototype très populaire sur Internet. Maintenant, en vente, le Blandito qui a gradué. Donc, ça commence à 415 $ américains. Vidéo et photo. C'est bien ça. Je pense que j'avais dit deux fois le même mot. Sur assemblagerequis.com. Wow. T'as un choix de couleurs, on dirait aussi, hein, parce que j'en vois un bleu et orange et un autre rouge et blanc qui ressemble, encore une fois, je me répète, mais à une Tortue Koopa. C'est vrai? C'est vrai. Très c'est vrai. C'est vrai. Hey, mon chat capoterait là-dedans. Génial, hein? 400 quelques piastres pour un chat, par contre, c'est un peu cher. C'est ça, je t'arrête de me dire. Pour ceux qui sont toujours seuls, qui ne sont pas en couple ou encore que leur copain-copine ne veut pas leur donner de massage. Trop long, trop dur, trop petite main. Donc, c'est le masse... J'ai mal au poignet! C'est le masse d'eau pour les gens célibataires ou gens qui veulent faire ça pour eux-mêmes. Avec vibration. OK? Oui, oui. Ça peut servir à plein, plein de choses. Ouais. Ouais. Ça requiert un petit accessoire qui ne vient pas dans l'emballage. Donc, c'est-à-dire d'habitude une deuxième personne. Hein, c'est ça, mais dans ce cas-ci, il n'y en a pas besoin. Il n'y en a pas besoin! Il n'y en a pas besoin! C'est le Ergonomical Back Massager avec une longue poignée. Donc, tu vas pouvoir te rouler ça dans le dos. Le moteur va à 4500 jusqu'à 5500 RPM. Et tête interchangeable pour différents types de massages. Donc, tu as un petit pour les points de tension. Tu as un autre pour quand tu as des nœuds multiples dans le même endroit de ton dos. Et tu as un genre de paume similaire à une paume de main pour promouvoir la circulation. Donc voilà, se gratter le dos et se masser le dos tout seul. Moi, j'aimerais savoir, tu sais, parce que c'est vraiment une forme circulaire qui passe au-dessus de l'épaule. Oui. Ça, c'est cool quand t'as envie de te masser les omoplates, mais si moi, j'ai mal au bas du dos. Faut comme tu te par le côté, peut-être? Ouais. Peut-être par le côté. Par l'entre... Par en dessous. Ouais. C'est ça. C'est un two-in-one. Two-in-one! Ensuite, tiens, pour faire cuire tes blédins lors de ton Eat Something Phallic 2013 Festival, tu vas pouvoir utiliserais normalement une cocotte minute. Ça ou encore faire exploser des jambes au Boston Marathon. Tu peux faire les deux. Donc, une cocotte minute, toujours très intéressant pour faire cuire, je sais pas, de la soupe, de la viande, n'importe quoi. Et c'est tout le temps, genre 6 heures de préparation ou plus. Et bien, dans ce cas-ci, vous allez avoir besoin d'encore plus de temps parce que c'est le Wonder Bag. Qui est un sac dans lequel, dans le fond, tu vas mettre ta cocotte minute avec de... Ben, c'est pas, est-ce qu'on appelle ça une cocotte minute? C'est une mijoteuse. Ouais, c'est plus une mijoteuse. Mijoteuse. L'affaire au Boston Marathon, c'est une mijoteuse aussi? Non. C'est la cocotte minute. Ouais. Fait que tu vois, j'ai comme mélangé deux. Ouais. Ça? D'accord. Donc, la blague tombe à l'eau. Ben bon. Un peu comme de l'eau qui va bouillir dans ton Wonder Bag. Oui. Donc, tu mets l'eau dans ta mijoteuse, tu fermes le couvert, tu mets ça dans le petit sac, qui est un sac genre rouge, qui a l'air d'un imperméable, si on veut. Une citrouille, je trouve. Une citrouille imperméable. D'accord. Et tu mets ça là-dedans et ça va promouvoir, ça va dans le fond s'auto-chauffer à l'intérieur du sac et ça va faire un jour que tu vas avoir un repas dans 20 ans. Ben, je sais pas comment tu vas. Tu vas commencer à faire bouillir ton eau, j'imagine, sur le petit poêle qui est branché peut-être dans ta voiture. Mettons, non, là, c'est les... ça qu'ils disent. C'est ça. Parce que tu fais bouillir ton eau avec quelque chose d'autre. Mais si c'est dans la forêt, tu ne veux pas dépenser toute ta batterie de char sur ton petit poêle. Je ne sais pas comment ça fonctionne parce que j'ai jamais fait de camping. Mais une fois que l'eau est à son niveau de bouillitude, tu peux éteindre ton rond et le mettre dans le Wonder Bag. Tu sauves du temps. Bon, mais tu sauves pas du temps. En fait. Tu prends du temps, mais tu sauves du temps de batterie. Là, rendu là. On se comprend. C'était plate, ça. Ensuite, le prochain, c'est pour les douchebags. Parce que, tu sais, bon, anecdote time, on était à la Chasse Galerie. Excellente place en passant, qu'on salue, qu'on adore, et excellent café, puis madame, les brownies en passant. Ils ont resté d'hier, petit brownie avec des petites noisettes dessus. C'est de la coco? Je sais pas. On était à la Chasse Galerie, donc, et c'est fou jouet. On était comme, oh yes sir, on est content, tout le monde est heureux, hein? Sauf un gars, trop douchebag pour vouloir écouter de la bonne musique indépendante et qui manque à la culture de certains. Lui préférait écouter son rapper. Fait qu'il allume sur son portable la musique de son rapper. Au bout. Dans Chasse Galerie. Alors que d'autres mondes, tu te prends pour fucking qui? Non, pour fucking qui? Fucking! C'est ce que je voulais dire, parce que j'aurais jamais dit fucking en nom. Oups. Donc, si t'es un douchebag de ce genre-là, premièrement, change de poste. parce qu'on veut, c'est pas pour toi, ça. Clairement. Deuxième option, acheter un haut-parleur qui va dans le porte-bouteille d'eau de ton vélo. Ah, mon Dieu. Hein, pour déranger toute la ville au complet. Ouais. Mais il y a déjà des gens qui font ça sur la piste cyclable. Ils ont leur petite radio le sur... en avant, I hate you, je te déteste. C'est tout le temps des postes là, dans les centaines. Donc, je vous déteste toute la gang. Mangez tout. C'est la Boom Bottle, ça s'appelle comme ça. C'est c'est des haut-parleurs de 40 mm. Hein? 40... millimètres. Les M&M. C'est ça. 40 M&M. Ça se mange. Céphalique aussi. Avec un subwoofer passif qui entre donc dans le porte-bouteille d'eau. La petite braquette patente. Ça accepte le streaming audio et plusieurs profils Bluetooth. Donc, avec votre téléphone cellulaire, vous pouvez envoyer la musique. Il y a aussi une prise auxiliaire. Si jamais vous voulez brancher un autre lecteur comme un iPod, vu qu'il n'y a pas de Bluetooth, mettez ça dans votre poche, branchez ça dans le truc. Déranger toute la ville. C'est autant de production et de problèmes. Non. 149$. Non. Pas pour ton vélo. C'est bien à la mode, les boombox en ce moment, les jawbone trucs. Là. C'est le petit genre de haut-parleur rouge ou bleu qui ressemble à un bloc Lego. Là. C'est bien à la mode pour sur le bord de la piscine ou à la plage, ça va? Ouais. Pas après ton vélo. Non. Est-ce que c'est réglé? On a compris. Oui. C'est réglé. Oh, autant de commentaires aujourd'hui et d'insultes envers aucune personne de notre public parce qu'il n'y a aucun membre de notre public qui va faire ce genre de choses-là. Non, on est tellement engagés ce matin. Oui. On dirait une chanson des Cowboys. Il n'y a pas une chanson, c'est des Cowboys, genre, parle pas de musique au centre-ville. Il n'y a pas ça. Non, je pense pas. Est-ce que vous aimez le lait de fond de bol de céréales? Non. Ça dépend des céréales. Lesquels t'aimes, mettons? Ouais, c'est ça, mettons, All Brand. Les bruns. Alors que les Nesquik, ça te fait un bol de Quick à la fin, c'est délicieux. Les Reese's Peanut Butter céréales, là. Tu sais que bol de peanut. Ça doit être ça parce que moi, je mange des céréales beaucoup trop fibreuses pour que ça fasse un bon petit lait à la fin. Fibreuses, hein? Toi, puis tes mini wheat. Exactement. Allons, du lait, c'est nutritif, on le sait. Par contre, à la fin d'un bol, des fois, on n'aime pas manger la fin parce que c'est en effet plutôt dégueulasse. Donc, à la place de boire votre fond de bol de céréales, vous pouvez juste jeter votre lait et acheter Cowow Cereal Milk, qui est du lait faible en gras, organique, saveur naturelle, à saveur de fond de bol de céréales. Donc, t'as Fruity Trudy, entre autres, qui est évidemment des céréales aux fruits style Fruit Loops. Et t'as Chocolate Chip Cathy, qui est des céréales au chocolate. D'ailleurs, cette compagnie-là cherche des gens pour manger les céréales. Pour faire le lait, pour mettre en boîte. C'est très bon. Il y a aussi Cini Mini, qui j'imagine est à la cannelle, et Marsha Mallow, qui est à la guenille. À la guimauve. Similaire, guenille et guimauve. Mais sérieusement, moi, c'est celle que je préfère, au moshmallow. Et j'avais déjà parlé dans 5 semaines, ça devrait répondre là, qui est la chronique en ce moment, d'un sac de guimauve qu'on pouvait acheter et ajouter à n'importe quelle céréale, mettons. Ouais. Donc, cherchez dans les liens pendant 3 heures, vous allez trouver les gamins. Donc voilà, c'est le petit... et c'est pas si pire que ça côté calories, la petite notice, là, le petit avertissement de calories, est pas si pire que ça. Une tasse, ça donne 170 calories et 22 grammes de carbs. C'est quoi carbs? Les glucides. Évidemment. Donc, ça devrait être en magasin plus tard cet été aux États-Unis et j'imagine un jour ici peut-être. Je m'excuse, mais c'est beaucoup, 170 calories pour une tasse. Oui, mais comparé à des vraies céréales dans un vrai bol avec des... Oui, mais c'est parce que t'as pas de valeur nutritive des céréales. Puis une tasse de lait, c'est 100 calories pour le 1%. Ah, mais je suis pas sûr si t'as pas les vitamines. J'imagine que vu que c'est fait à base de lait... Je m'excuse, là, mais il y a pas de vitamines dans tes Reese's quelque chose. Là. Non, mais le lait, lui, a vitamine D ajoutée, vitamine A ajoutée, c'est écrit sur le... Ça a pas rapport avec les céréales. Je suis désolée, mais c'est pas bon pour la santé, ton truc. C'est peut-être bon dans la bouche, par contre, comme les Pop-Tarts. Hey, j'en ai amené aux fraises. Ah, cool. Pour amuser. Je t'en donnerai, Jean-Philippe. Fallait pas que je dise ça devant lui. Hein. Oh, il va nous en manquer un bout. Hey, pour terminer, un produit que vous ne pouvez pas acheter, malheureusement. Donc, c'est Ben Eckendorn, est-ce que c'est ça? Non, c'est un homme qui s'appelle Bacteria, qui s'est basé sur un concept de Ben Eckendorn, ou en tout cas, un hacker quand même assez connu dans le domaine. Donc, Bacteria qui a créé quelque chose d'assez intéressant, c'est le Project Unity. C'est 15 consoles de jeux vidéo dans une seule boîte. Et c'est pas de l'émulation, c'est pas un PC avec un émulateur de Nintendo 64, là, pour qui te prends-tu? Là, on veut l'imitation, on veut vraiment, pas l'imitation, mais l'expérience d'origine d'une console, parce que c'est bien beau jouer avec un émulateur. Mais c'est pas pareil. C'est pas branché sur ta TV souvent. Les pitons, là, c'est jamais pareil. Non, ça non. Saute pas pareil. C'est pas la même chose. Bon. Donc, tu fais bien le dire. Il y en a qui chialent pour les gens qui partent leur musique à la chasse. Ça, c'est un autre problème. C'est chacun, c'est les petits problèmes. C'est les problèmes du premier tiers du monde. C'est pas le tiers monde, mais l'autre deux tiers. comme ils disent. Donc, ça représente 15 consoles en une seule boîte. T'as pas l'émulation. C'est vraiment les vraies consoles à l'intérieur. Ils partagent tous le même power supply, le même câble vidéo, la même manette. Donc, le gars a créé une manette qui allait servir à ça. Et apparemment, ça fonctionne très bien avec chaque console. Il a passé 3500 heures pendant 3 ans à fabriquer ça. 300 mètres de câble à l'intérieur de cette boîte-là. Une boîte qui pèse 44 livres. Oui, méchante grosse boîte. Hein? Mais si vous êtes du genre à vouloir regarder la vidéo de la création de ça, allez voir sur assemblagerequis.com. C'est vraiment génial. J'aimerais ça qu'il en fasse des vrais. Juste un petit peu. Juste à petite échelle. Ben, elle va coûter cher. Bah, c'est grave. C'est vrai, ça. On est dans l'autre deux tiers. On peut se le permettre. Dans l'autre deux tiers, là, moi. Oh. Bon. Eh ben ça tombe bien que la chronique soit finie parce que mon ordi ne réagit plus. Fait que voilà, c'est ça, ça devrait répondre là. Fun, ça finit de même. Hey, c'est une bonne note. Yeah! On aime ça. On s'achète tout ça sur assemblagerequis.com, photos, vidéos, articles, tout est là. Voilà. On va retourner, on va aller en pause tout de suite avant de passer à Stéphanie Paradis et la collègue Zone Campus, ça vous dit. Mon côté fibreux! Pas du bon petit lait. Oui. Stéphanie, puis paradiarré. Fibreux, paradiarré. Paradiarré. Non. Paradiarré. C'est de l'épisode. Non. Paradiarré. Paradiarré. Non. C'est fou. Les extrêmes. Ça nous anime. C-F-O-U 89-1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. 7h37, toujours à Assemblage requis avec Jean-Philippe Charbonneau, Mathieu Plante, Stéphanie Paradis toujours avec nous, bien évidemment. Ok, oui. Est-ce que t'es prête? Ouais. je sais très bien qu'elle n'est pas prête. Hey, soyons fous. Mais j'essaye là, de cocher là, pour que tu puisses me suivre. Veux-tu que je te mette une chanson? Non, mais chante-moi quelque chose. Je peux essayer. Je suis prête. Là. Je vais essayer de trouver de l'inspiration. On ouvre la fenêtre tantôt. Il y a des oiseaux qui passent. Deux hirondelles. Ah ouais, check qui passe encore. Oh, c'est fleur de long, ça. Ouais. C'est ça. Ça, t'as-tu vu la petite fleur qui pousse? On va commencer. Oui, tu sais où il y a des belles fleurs dans la vie? À Londres. Ouais. Noble pistache, fleur de fruits. Ton jardin de rhubarbe me plaît tout entier. J'en paradigme, j'en paragraphe, j'en parle souvent. Je t'apostrophe entre mon cerveau et ma langue. L'amnésie en journée de ciel. Notre fleur atomique sans cesse s'incruste OK, Steph est prête, donc on commence à... Non, c'est pas vrai. C'est une blague, elle m'a dit. Arrête la tour, je suis prête. Elle pensait que t'étais pas game. Disque dur, m'oublies-tu? Sur tes disques durs, m'oublies-tu? Fleur de Londres, fleur de Londres, voudrais-tu prendre le thé? Fleur de Londres, voudrais-tu prendre le thé? Artefacts, pelure de linge et l'or s'enfuit sur ta montre sans chiffre. La journée t'amuse, elle ne finira jamais. La journée t'amuse, elle ne finira jamais. La journée t'amuse, elle ne finira jamais. Et ton joli visage ne faut jamais te lever. Deux hirondelles. Mais non, c'est Fleur de Londres. Mais non. La Violette Pie. Oui, avec notre petite blague de milieu, là, de coupage de tunes. Ben, c'est pas très oui. professionnel, hein? Dire tunes, c'est pas très professionnel non plus. Donc, coupure de chansons. Mm-hmm. Bien sûr, nous interrompons cette chanson pour vous annoncer que Stéphanie Paradis est ici. Eh oui, je suis arrivée. Pour le parler du journal, Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Stéphanie Paradis, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Plante. Très bien. Ça va très bien, oui, toi? Oui, très bien aussi. En couverture? Oh non, regarde l'accent. Oh, comment? en couverture du plus récent Zone Campus. En fait, c'est le dernier numéro de la session, on doit dire, dès le départ. Pas de publicité mensongère, on est transparent ici, c'est le dernier numéro. Donc, si vous voulez savoir plus sur le pavillon qui va naître, etc., ben, tout bad for you! Parce que c'est fini. En automne. Ouais, en automne. Vous reviendrez à l'automne. 4 mois de congé, après ça, on rembobine et on résume l'été. C'est ça? Ouais. Ouf! C'est ça? Au complet. On fait un 38 pages. C'est ça. On un peut cahier spécial détachable avec un poster. De qui? Ben, tu sais que le Sun Newspaper, là, au Canada anglais, ils ont leur page 3 girl, la fille de page 3, qui t'a une petite popoune. Ça pourrait être Jean-Philippe. Ça pourrait être Jean-Philippe. Oui. Ouais. Je vais me faire des tresses dans le poêle. Tu pourrais mettre le chandail poilu si jamais t'es un peu trop pudique. Avec du bling-bling dans le cou. Bon. Miam-miam. Donc, Zone Campus, du 15 au 28 avril 2013. En couverture, on a le 41e gala du mérite sportif. On va y revenir en fin de journal. Pas mal, la toute fin. Je te dirais que parfait. C'est le dernier. Merveilleux. Donc, commençons en actualité, ma chère. Allons-y avec le nouveau pavillon, justement, à la vie étudiante. On a les dernières informations jusqu'à maintenant, là. Ah oui, maintenant, là. Ben, dans le fond, on parle un peu de l'avancement des travaux, où c'est rendu, mais surtout, déménagement des assos. Donc, quand, comment, où? En théorie, on connaît le pourquoi. Donc, on n'aborde pas vraiment cet aspect-là. Donc, si vous voulez savoir quand les assos vont déménager et qui va les déménager... Eux-mêmes, j'imagine? Ben non, c'est le service de l'équipement, je crois. Ben arrête donc, mais toi. Ouais, c'est ça. Dans le fond, les associations ont jusqu'au... la dernière journée du mois d'avril, là, le 30 ou le 31, je vais le compter sur mes jointures. Je pense que c'est 30. Je pense que oui. En tout cas, donc, le 1er mai, tout doit être emballé. Dans des boîtes avec le nom, j'imagine, de l'association, et les déménageurs vont emmener ça dans le bon local selon le nom de l'association. J'imagine. Quelque chose comme ça. Chose comme en ça. Tout cas, j'ai bien hâte de voir si ça va jouer à chaise musicale. Ben, on sait, on a appris avec le temps qu'il allait avoir un nombre de bureaux limité par rapport au nombre d'associations. Donc, il y a des associations qui vont devoir partager le même bureau. Ben, juste une association, en fait. Il y a 36 associations de niveau 2 et il y a 35 locaux. Voilà. Donc, c'est quand même pas si pire, on s'entend. Comparativement... Mais s'il y a des nouvelles associations qui se créent, ils n'auront pas de bureau. Ben, niveau ça... 2, ça... c'est des associations reliées directement à un PAC. Généralement, c'est assez stable. Là, ça arrive qu'il y a des départements qui se séparent. Mais... ASCA, ASA. Ouais. Moi, c'est ça, mais c'est quand même pas la fin du monde. Parfait, ben, c'est merveilleux. Ensuite, donc, à la bibliothèque de l'UQTR, de nouveaux livres pour les étudiants. Oui, donc, c'est la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie et le caucus des étudiants souverainistes de l'UQTR qui ont offert gracieusement à la bibliothèque de l'établissement des livres des éditions du Québécois. Mm-hmm. Donc, un peu plus d'informations. Donc, si vous voulez les titres de livres qui ont été remis à la bibliothèque, tout est inscrit dans cet article. Livre de Pierre Farlardeau. Farlardeau. Farlardeau. C'est comme Infractus. Exactement. Bon. Compression budgétaire l'UQTR dans les temps. Effectivement, le 3 avril dernier, la direction de l'UQTR a annoncé le résultat des efforts réalisés pour répondre aux compressions budgétaires demandées par le gouvernement du Québec aux universités. Ah ben, ah ben, ça permet de me reprendre, hein? OK, tu veux-tu que je revienne sur quelque chose de tantôt? Non. OK. Fait que laisse-moi dire Urniversité. Urine-université. Donc, ben oui, finalement, ça... L'UQTR se débrouille pas trop mal pour rentrer dans le budget, même si c'était quand même une grosse différence de ce qui avait été prévu. On parle aussi de la future halte garderie l'UQTR ensuite. Après ça, on passe au Forum pour la culture. Journée de discussion, en fait, c'était le Forum Art, culture et société. Exactement. Donc, c'était le mercredi 3 avril dernier. Donc, on parle des différents thèmes qu'il y a eu à la conférence, mais aussi la naissance du Forum. Pourquoi un peu, c'est quoi la vocation de ce forum-là? Cool. Oui. Voyage gastronomique, le 10 avril dernier, on parle du Sénégal. Oui, donc c'était un événement pour les gens curieux de découvrir des saveurs africaines. Donc, ils faisaient découvrir deux plats du Sénégal. Moi, honnêtement, je lisais l'article puis j'avais faim. Oui, c'est donc, sans égal, comme on dit. Régal, égal. Voilà. Dernier texte pour Simon Fitzbay, c'est son dernier avis. Ça fait combien de temps qu'il fait ça? Trois ans, deux ans et demi. Donc, ben c'est ça. C'est un peu une lettre d'adieu. C'est un peu triste, en fait. Tellement. Moi, ça me brise le cœur. Irremplaçable. Sans égal, comme le Sénégal. Régal, égal, égal. Oui. Des bonnes go. OK. Donc, ben c'est ça. C'est un peu sa lettre d'adieu. Il fait un petit bilan de son passage aux zones campus. Et il s'est gâté. On lui a offert une troisième colonne. Donc, hey. Un beau petit mur... de texte, avec une citation dans le milieu et sa signature à la fin. Oui, ça, c'est beau. Ça, c'est... prenez des notes, hein. On va continuer là-dessus, je pense. Ça se peut, ça se peut. Très beau. Toujours en actualité, dans sa chronique multimédia Game Over, quand les jeux vidéo, un été qui se promet d'être sulfureux, dit Michael Da Silva. Effectivement, un petit retour c'est sur les consoles de la prochaine génération, ainsi que sur la console de jeu d'Android. Oui, la Ouya! Ouya! Ouya! Ouya! Il nous reste un dernier article en actualité. Service aux étudiants de l'UQTR, on nous donne leur service. Dans le fond, on nous dit les services qu'ils offrent. Ben c'est pas mal ça. Un petit topo, parce que des fois, on sait pas trop à quoi on a accès à l'université. Donc, toujours intéressant de voir un peu ce que offre le service aux étudiants. Ouya! Je dirais pas mal tout, sauf la console Android. Oui, ça c'était actualité. On passe en société maintenant et on commence avec l'article, en fait, le texte de Stéphanie Gladu, Anthropologie moderne. 3 petits points sur 10. Oh, sur 10. Mm-hmm. Avez-vous parfois l'impression de n'être qu'un chiffre, une valeur, une variable parmi tant d'autres? Ah! Hein? Ah! Oui. OK. C'est vraiment bon. Non, mais j'ai surtout tout le temps le fun, ces textes à Stéphanie Gladu, on aime ça. Même chose pour Jean-François Veilleux, Au pouvoir citoyen. Oui, 20 mai 2013, 10e journée nationale des Patriotes, parce que les combats que les Patriotes du 19e siècle ont menés sont toujours d'actualité et il est primordial de faire connaître davantage leurs projets, leur vie et leurs rêves. Jonathan Loranger est de retour avec sa chronique « Sexé, parlons sexe ». Éthique et contraception. Oh, il est contre quoi cette fois-ci? Ben écoutez, vous irez lire le texte. Okay. Il nous parle de la publicité pour la contraception, les hormones, les condoms, ainsi que quelques mots sur les non-dits de la contraception. Mm-hmm. OK. Intéressant. Intéressant. Parce que c'est souvent un point de vue... contradictoire à la pensée de la... De la masse, de la population, si on veut, c'est intéressant des fois d'avoir de voir un peu l'argumentation contraire. C'est un petit... Ça brasse le clam chowder. Ouais. Ça brasse la... La palourde. La palourde. ça brasse la palourde. C'est ça que ça veut dire. Peut-être un peu trop vulgaire pour lui. Ensuite, on termine avec le fantasque d'Hubert Sanson. Ben oui, c'est ça. Ça existe, ça a lieu. Ça, c'est à toi, ça, le fantasme. C'est à moi, le fantasme? Oui, c'est à toi. Ben, il nous dessine une petite maison. Hein? Non, mais c'est toujours très, très bon. Très sérieusement, je trouve qu'il s'est surpassé. Ah, les oui. détails dans son dessin sont hallucinants. Deux couleurs. Dos colores. Caliente. Caliente. Oui, por favor. Garnacha. Il y a un texte dans la section opinion aussi. Oui, mais en fait, c'est une réponse à un texte de Jean-François Veilleux. Ah, sur l'athéisme. Exactement. Donc, c'est le groupe biblique universitaire de l'UQTR qui répond à ce texte-là. Et je trouve, honnêtement, même si de mon côté, je suis pas mal athée, là, on se le cachera pas. Oui, je trouve que ce texte-là est extrêmement bien construit. Je l'ai trouvé très intéressant. Puis, tu sais, il n'y a rien d'extrémiste. Là. Je pense qu'il fait juste comme apporter des nuances intéressantes à tout ce qui a été dit. Donc, très intéressant. Allez voir ça. Génial. On passe en art et spectacle maintenant. Spectacle au Café Bar Zena. Donc, c'était Mauve qui était là vendredi dernier, le 12 avril. JP y était? Ouais. Ouais. Avec Karina? Ouais, exactement. Qui a pris cette magnifique photo. Ouais, qui enjolive la première page des heures et spectacles. C'est-tu beau, pareil, un journal? La fille, elle prend une photo, claque, on met dans le journal. Comme ça. Comme magie. Ça, ça marche. Magie. Même pas besoin de chambre noire et. la petite lumière rouge. Oui. Non, ça, c'est une chambre rouge. Des pierres à feu, c'était quoi la appareil photo? C'était quelqu'un qui dessinait dans le... Dans Pierre? C'était pas un oiseau. Ouais, je pense que... Il devait sûrement tirer une patte sur un oiseau. Il y avait tout un des oiseaux bizarres. Donc, Mauve est en spectacle. Oui, donc, dans cet article, on rencontre en fait des drôles de personnages qui sont les membres du groupe Mauve. Et on parle de leur dernier album, Rebrousser les Indes. Mm-hmm. Et si vous voulez connaître comment ils se sont supposément rencontrés, l'histoire est un peu farfelue. Je trouve ça très intéressant, donc allez voir ça. C'est à l'image des gens qui chantent. Oui. Hein? Non, ben, c'est farfelu, les gens sont des personnages en soi, donc... Exact. Je voulais rajouter mon grain de sel. On parle un peu des événements qui... Ben, t'as bien fait. Ouais. Des événements qui duraient à l'avenir pendant l'été, finalement. Mais oui, pas de vacances pour la culture! Donc, on parle un peu des spectacles de musique et des expositions en arts visuels qui s'en viennent prochainement. Toujours en arts et spectacles, la troupe de danse Millennium a fait un spectacle à l'UQTR récemment. Effectivement, les 2 et 3 avril dernier, donc il y avait deux soirs, c'est la troupe de danse Millennium qui présentait la revue musicale idolistique devant 10-12 Néré-Beauchemin bien rempli. Donc, ça, c'était dirigé par Philippe Boulian, étudiant en chiropratique à l'UQTR, bien entendu. Donc, ce spectacle de danse et de musique revisitait les chansons populaires de toutes les époques clés. Donc, ça faisait vraiment une revue assez large, très intéressant. Ouais, on parle ensuite de Ponctuation, le groupe de musique qui est sur le palmarès francophone depuis très récemment. Mm-hmm, que j'adore! Et qui vont être aussi en spectacle au Café-Bar Zenob le 26 avril. Ils ont des bons groupes au Zenob de ces temps-ci. Là. Ben oui, écoute, là... On va faire quelque chose, c'est trop, trop d'affaires dans l'horaire. Là. Ben oui, il va falloir qu'ils se calment. Là. Moi, je suis habitué de rien faire. Là. Donc, le groupe Ponctuation qui vient de sortir son premier album complet, 27 Club. Donc, ouais. On suppose que c'est en anglais parce que c'est en fait le club des 27 ans. Et on explique pourquoi le club des 27 ans. Tous les artistes qui sont morts au même âge. Mm-hmm. Mm-hmm. Dans sa critique musicale, Maxime Tanguay parle des albums de The Black Angels. Eux, c'est Indigo Meadow. Et l'album Push the Sky Away de Nick Cave and the Bad Seeds. Donc, leur 15e album. En tout cas, le 15e de Nick Cave. Ensuite, chronique littéraire de Marie-Hélène Gauthier qui nous parle Pluto. Pluto, oui. C'est un manga dans l'univers d'Astro, le petit robot. Donc, je ben trouve non. ça... Ben oui. Ben, je le mélange tout le temps avec Astor, celui qui peut enlever son bras. Le remettre. Mais pas toi. Ah oui. Donc, je jouais plus d'un. Ouais, ouais. Ben, c'est ça. C'est... Non, c'est pas lui. C'est Astor. Je mets, ouais. Je pense que oui. Ben oui, son bras à Astor. Astor. Son bras Astor. Astor. Ouais. C'est ça. Lève la star. Ouais. On va faire salut au public qui en délire à cause de ta blague. Salut. J'ai de recevoir une brassière. Oh, wow. C'était celle-là, Mathieu. Eh ben. Donc, c'est ça, plutôt. Oui. Génial. Exposition au Presse-Papier maintenant, la première exposition du collectif Belle Brute. Ben exactement. Donc, ça va être au Presse-Papier jusqu'au 5 mai 2013. Donc, c'est l'exposition des Envies d'air à l'envers. Donc, l'exposition rassemble 6 artistes qui ont composé une dizaine d'œuvres chacun. Donc, une des artistes nous dit « Nous aimons l'art de la performance qui combine le visuel, les mots, le son, dans un moment présent fort en intensité, en une poésie visuelle que nous espérons touchante, riche en symboles. » C'est bien dit, c'est bien dit. C'est beau, hein? Oui. Imagine l'exposition. Tu sais, si la citation est si belle et si bien, je trouve la forme de la citation dans le journal est bien placée. Elle est bien placée entre les deux paragraphes. Ouais, c'est wow. Ah ouais. Et puis, c'est les quarts de finale des Mars de la Relève qui se... En fait, les Mars de la Relève se poursuivent et on est rendu au quart de finale. C'est à peu près ça que ça veut dire. Exactement. En fait, on continue les quarts de finale. Okay. Parce que avant, je trouve que ça sert pas à grand chose. Parce que là, ça va être comme les auditions, finalement. Vrai. Donc, ça se poursuit. On nous parle de la soirée du 26 mars, qui était une soirée rock, et du 2 avril, un peu plus punk. Donc, pour connaître un peu les performances, les groupes, un peu plus les styles, plus en détail ou en détail pour certains. Merci. J'espérais que tu le dises. Ah, donc, allez voir si vous voulez savoir aussi qui a gagné et qui va se rendre en demi-finale. Bien sûr, et on rappelle qu'hier, il y avait un autre quart de finale avec les mains acoustiques Project X, oui, et Jay Wood. Donc, qui a gagné là-dedans, mais je ne sais pas. Ah, ben ça, on le saura pas, parce que c'est le dernier dans le campus. Ben, c'est comme ça. C'est si plate, hein? C'est vraiment plate. Donc, voilà pour les arts et spectacles. On fera les sports après, une pièce de ponctuation. C'est une bonne idée, ça. Ouais. Voici À bout de souffle. Quel bon DJ tu fais. Ah, ponctuation à bout de souffle, non, DJ. C'est pas moi, DJ, c'est toi, le directeur général, DJ. Ah. Mais c'est en anglais. C'est plus DJ, mais ça sonne bizarre. C'est comme les Bee Gees avec leur grosse barbe, là. T'es pas rendu de l'heure, là. C'est pas ZZ Top qui a une grosse barbe? Oui, ou l'annonce de Kanak. Hein? Qui personne n'a vu. Non, j'ai pas le corps! Ça fait particulièrement un bon malaise quand je pars l'intro comme... Oui, avec un... Ouch. Mais je peux vous la compter. Vas-y. Le gars, il fait du carreau. Puis là, la fille, elle fait « Voyons, ça fait des années que tu poses les carreaux. » Puis là, le gars, il a comme une bonne barbe. Puis là, il se lève. Puis là, finalement, la barbe, il a tout... Il a mis le carreau sur sa barbe. On dirait une gang dans un gang d'Aramdam. Oui, un gang. Un gang bang d'Aramdam. Tu sais, saison 9. Oui. Puis là, la fille, elle se tournait, puis elle faisait « Hey, j'espère assez que mon mari va... Je vais divorcer. » Par la caméra, genre. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, pour ceux qui n'auraient pas reconnu la musique de fond, là, c'est-à-dire tout le monde, c'est qu'on est dans la deuxième partie de la collection de campus avec Stéphanie Paradis. Mais oui, mais moi, je n'avais pas reconnu. Tu ne connais pas ta propre musique de fond. Mais c'est pas vrai. Ouais. Donc, on était rendu en sport et on commence avec une explication des services qu'offre le CAPS. C'est pas mal ça. Le CAPS, c'est plus qu'un gymnase. Donc, on nous parle un peu des entraîneurs qui sont là, l'entraînement de groupe, kinésiologue. Masso, kinésio, log, thérapie. Peu. Physiologie. Masso, kinésiologie. Oui. En tout cas. Og. Og et ist. Og comme les Amérindiens og. Ou og comme le câlin? Calinours. Ah, un hog. C'est cute. Ouais. Ouais. OK. Toujours en sport, on parle ensuite de l'activité physique à Trois-Rivières. On nous dit de garder la forme cet été. Ou de la trouver, hein, Mathieu? Oui, ben je la cherche depuis tellement longtemps. Comment pourrais-tu la trouver? Donc, qu'est-ce qui se passe l'été à Trois-Rivières dans les sports? Donc, on nous parle de tout ce qui est accessible, soit à aucun frais ou à peu de frais à Trois-Rivières, entre autres les pistes cyclables. Je sais pas si vous saviez, il y a des petites machines d'exercice aussi dans les parcs des fois. Oui, en dessous du pont, la Violette. Puis, oui, il y en a là, il y en a au parc Lambert. Je sais pas s'il y en a à d'autres endroits, mais c'est le fun. Ça marche avec ton propre poids. Donc, plus t'es gros, plus ça marche. Hein, wow. Mathieu? Ah, merci, Steph! C'est des affaires phalliques, Steph? Quoi? Ben, si tu veux me piner, m'a te piner. Ah, tabarouette! Wow! Hey, ça finira jamais. Tu peux-tu boire, ces affaires? Hey, je te crée une réputation de malade, hein, ça pourrait. Oui, d'alcoolique, d'obsédé du phallus. Ouais. Je fais chier, hein? Je suis fibreuse. Oh, oui, on n'arrête pas de t'appeler prédatrice en chef. Paradiarrhée. Paradiarrhée. Non, ça, s'il vous plaît, j'aimerais ça que ce soit la dernière fois, s'il vous plaît. C'était bonne, ça? Oui, marqué. Oh, non! J'ai marqué l'heure, puis tout. Comme merci beaucoup. Pour le segment. T'es fin. Je vous donc, aime donc, Steph, non, mais c'est ça, c'est la dernière de la session. Hein. On peut... on met le paquet. Paquet. Est-ce que tu avais fini avec garder la forme? Ouais, hein? On va y aller avec les Patriotes qui ne se reposent pas parce que l'été, ce n'est pas la saison morte du non, tout, du tout. Mais trompez-vous. Trompe d'éléphant. Les athlètes des Patriotes, ben l'été, c'est synonyme d'entraînement estival et non hivernal. Ça aurait été bizarre. Donc, afin qu'ils puissent rester en forme pour le début de la saison universitaire à l'automne, donc on rencontre quelques athlètes de divers sports, en fait des Patriotes. Comment ils s'entraînent? C'est quoi un peu leur programme? Est-ce qu'ils suivent un programme serré ou c'est un peu plus freestyle, random, shuffle, go in the... Ramdam, go in the... go in the random... In the direction. ensuite, dans son texte d'une foulée à l'autre, Maxime Bilodeau nous parle de la pensée magique. Donc oui, il va nous démystifier des mythes. Ça se démystifie bien. Oui. Parce que sachez que votre corps est bien pourvu en organes lui permettant de se nettoyer. Pourquoi se détoxifier, hein, tous ces trucs-là? En fait, vous avez déjà entendu cette chronique. Il l'a fait à la radio ce matin. Ben, pas Assemblage Requis, l'émission qu'on est dans ce matin. Assemblage Requis, l'émission qu'on est dans ce matin. C'est le nouveau slogan, l'émission qu'on est dans ce matin. Ouais. On est. Parti. Assemblage Requis. Partie intégrante de votre matin. Oui, recommandé par les mères. Oui. Et apprécié par les enfants. Comme Sonny Delay. C'est ça. Attention, on faire ça. Plus que deux assemblages requis par jour pourrait être dangereux pour votre santé. C'est trop vitamine C. Si le fou rire continue pendant plus de 8 heures, consultez un médecin. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Comme du Viagra. Hey, une chronique qui est supposée être plate à mort comme les autres campus cette semaine est quand même semi-divertissante. J'ai une petite larme. Oui. Chronique de Philippe Doucet maintenant. C'est peut-être sa dernière, donc il nous dit au revoir dans son article. On va se le dire, là, trois petits points. Ben oui, il nous parle un peu de plein de sports. Là. Les Patriotes, le Canadien, Alouette, parce que les Alouettes, aussi. Oui. L'impact, etc. Et tout ça sans filet ni suivi. Exactement. Voilà. Un petit melting pot de sport et d'opinion. Salade du chef. Sport d'élite maintenant, ouverture officielle du centre d'entraînement en haute performance. Oh que oui, le 4 avril dernier, le Centre de l'activité physique et sportive de l'UQTR inaugurait son tout nouveau centre d'entraînement en haute performance, soit un outil de plus pour atteindre des sommets, autant pour les sports d'élite du programme des Patriotes que pour les athlètes de la région. Mm-hmm. Et on termine avec la une, étrangement. D'habitude, on commence avec la une. Mais c'est les honneurs des honneurs au 41e gala du mérite sportif. Hein, la crème de la crème. Donc, le jeudi 11 avril dernier avait lieu le 41e gala du mérite sportif du programme des Patriotes. Toutes les disciplines sportives des Patriotes ont été conviées à un souper élégant au CAPS Léopold Gagnon de l'UQTR. Donc, on a souligné les excellentes performances, soit des équipes ou des joueurs individuellement. Donc, plein de beaux prix remis à plein d'athlètes qui ont vraiment, honnêtement, ils se sont démarqués cette année. Très bons athlètes. Donc, je pense que c'est important de souligner ça. Et ça, je trouve ça vraiment impressionnant. Ils ont entre autres récompensé Nathaël Martin-Marcotte, joueuse arrière de la formation de soccer, pour son exceptionnelle moyenne de 4,28 sur 4,33 et elle est au doctorat. Wow. C'est un génie qui s'entraîne vraiment comme beaucoup. Fait que je suppose qu'elle trouve tout son temps pour être aussi géniale et merveilleuse. Fantastique. Bravo. Stéphanie Paradis, toi aussi, t'es fantastique. Mais pas tant que ça. Quand j'avais pas une si bonne cote. En tout cas, on va dire juste pour le journal, bon? OK? OK. Bon? Donc, le dernier numéro de la session pour le journal Zone Campus, c'est de l'année scolaire. Donc, ça revient à l'automne, le Zone Campus. C'est le moment comme inconfortable de la session où, tu sais, on sait pas trop si, tu sais, on dit au revoir à Stéphanie, mais on sait pas. Genre, venir à l'automne parce que les postes sont tout le temps ouverts à chaque session, chaque je année. Ouais. Mais on dit merci d'avoir été là tout le long de la session. Ben, ça m'a fait plaisir, pour vrai. Je suis contente qu'on m'ait forcé à venir à la radio présenter le Zone Campus parce que je voulais vraiment rien savoir. Ça a pris quoi, 2-3 numéros avant que tu dises « OK, on va le faire ». Non, non, je suis venue comme tout de suite une fois que j'ai eu vomi mon premier déjeuner. Puis finalement, ben, je suis jamais sortie du studio. Jamais. Jamais. Et t'as tellement aimé ça que t'as commencé à faire une autre chronique, Les Petits Bonheurs, que tu vas faire la semaine prochaine. Donc ça, on sait qu'on va te revoir la semaine prochaine. On sait oui. que tu vas co-animer avec nous cet été. Oui. Est-ce qu'on l'a dit? Je pense qu'on l'a dit. Oups. Pourquoi? Hein? Comment? Non, je pense ouais. qu'on va la voir. On a un pied dans la porte. Pied dans la porte. Tant que c'est pas dans le cercueil. Ouais. Bon. Yes. Oh, chacun ses fantasmes. Mmh. Hein? Moi, c'est plus dans la porte. La poignée de peur. La poignée de peur. Mais bref, beau travail sur les zones campus. Félicitations. Oui. Vraiment, c'est un très beau journal qu'on a entre les mains à chaque deux semaines. Ah, mais c'est parce que c'est toi qui le montes. Oui. On fait la vague. Chacun les compliments renvoyés à l'autre. Jean-Philippe, pareil, toi aussi. Hein? En tout cas, t'es un bon DJ. Je suis un bon DJ. Ah oui, oui. Okay, oui. mais donc, on s'apprécie tous mutuellement. C'est de l'inter-appréciation. Et voilà. Zone Campus est disponible en kiosque un petit peu partout à Trois-Rivières, sur les campus de QTR. Sur zonecampus.ca, vous allez pouvoir plus tard aujourd'hui... Là, pas mal sur le blog. Donc sur le blog zonecampus.ca, que vous allez pouvoir partager et commenter les articles de Zone Campus, volume 8, numéro 16, qui va être en kiosque, ben, ça dit jusqu'au 28 avril. Ça se peut que ce soit plus long. Pendant l'été, il va être l'appareil. Donc voilà pour Zone Campus. Superbe. On quitte quelques minutes, on revient avec une deuxième heure dans quelques instants. Et on aura dans cette deuxième heure la présence de Marie-Pierre Laforge-Bourret. Chronique, etc. J'ai hâte de la voir, elle est assez belle, elle est assez fine. Elle a tout pour elle. Ah, ouais. Le bon film, là. Oui. Avec Freddie Prinze Jr. Freddie Prinze Jr. Elle a tout pour elle. C'est un film. Je me rappelais pas. Moi non plus. Ouais. Je m'en rappelle toujours pas d'ailleurs. Ah bon, si j'aurais jamais dit ce nom-là. Il a tout pour lui. Oui. Freddie Prinze, ben c'est un prince, hein, j'imagine. Ouais. C'est plus de cinéma, lui. Je sais pas. C'est un has-been, je pense. C'est tellement. On aura aussi Kinky Sexy Time à venir, mais pour l'instant, c'est l'Info Campus. Restez là. Ça nous anime. C-F-O-U 89-1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Assemblage requis. En effet, Jean-Philippe, je n'ai pas joué l'Infocampus parce qu'on l'a cherché et là, on l'a trouvé. Oui, puis là, on voulait dire que c'est ça qui allait arriver. Oui, donc on va vous présenter ça puis revenir après. Ben, c'est ça. Ça vous va? Donc, pour la deuxième heure. Infocampus, tout de suite. Hein? On est-tu content? On est content, hein? On est content. Whoopidou! Voici maintenant votre capsule Infocampus. Le jeudi 18 avril prochain, la 6e édition des Soirées cachées Sifu se tiendra quelque part sur le campus de l'UQTR. Deux prestations ouvriront le spectacle principal, dont le groupe sera dévoilé la journée même sur Facebook et Twitter, ainsi que sur les ondes du 89.1 FM. Le premier duo à performer sera les Sempiternels, composés de Jean-François Veilleux et de Daniel H. Dugas. Le spectacle débutera à 22h et l'entrée est gratuite. Le 19 avril prochain, de 8h à 17h, l'UQTR présentera son colloque en psychoéducation, des expertises diversifiées. Il s'agit de la présentation des projets de stage et de mémoire d'étudiants à la maîtrise ainsi que de projets d'initiative de la relève en psychoéducation. L'événement se déroulera à l'atrium CEU du pavillon Ringuet. L'inscription est gratuite. Plus d'informations sont disponibles auprès de Geneviève Soriol au poste 4072. L'Association des programmes en art de l'UQTR présente sa traditionnelle expo-vente. Les œuvres des étudiants du département des arts seront exposées dans le hall Gilles Boulet du 16 au 26 avril 2013. En plus de donner leurs commentaires aux étudiants artistes, il sera également possible pour les visiteurs d'acheter les œuvres originales. C'était votre capsule Infocampus. Et là, on est de retour à Assemblage Wiki après cet Infocampus merveilleux. Et là, Stéphanie Paradis, t'es encore en train de me chialer après comme une fatigante de la langue française, une nazie, je te dirais. Stéphanie Panazie. J'arrête pas de te dire, avec le chiffre 100, tu fais toujours la liaison avec le mot après parce qu'il y a un S. Si tu mets pas de S, c'est parce qu'il y a un autre chiffre après. Donc, tu vas toujours avoir une liaison comment avec un S d'un 100. Je me rappelle de ça. Voyons donc. Mais c'est facile. C'est tout le temps l'autre. C'est tout le temps. Fais pas ce que tu penses que tu ferais. Fais l'autre chose. Fais le contraire. Hein, c'est ça. Exactement. Tourne pas à gauche si tu veux tourner à gauche. Tourne okay. à droite. Je retiens ça. Faire le contraire. La journée des contraires. C'est fini que t'es fine. Ça veut dire que t'es pas fine. Moi, il me semble que j'irais dans une vraiment. Une chronique straight. Straight. Straight, straight pipe vers le devant. Non, mais là, faire le contraire. Straight, on va y aller, Kinky. Voyons, Mathieu, allô? Ah! Okay. On communique pas aujourd'hui. Non, on l'a pas, hein. Ça va être... d'habitude, ça va bien. On avait 19 meilleurs moments lundi, à date, pour les instants classiques, on se comprend. Il y en a 4 pour hier. Fait qu'aujourd'hui, combien? On peut compter les malaises. OK. Parce qu'il y en a eu un là, j'ai arrêté à toi. Ben oui, je sais. Je suis allé. Pas de problème, on devait faut allonger quelques dollars. Moi, je dis que avec Pichard, la liège, je tourne dans le char, je tourne dans le char. Et un motel sur un mille, je te ramène ma belle, tu vas voir. Motel sur un mille, au milieu des clochons de l'amour de soi. J'suis tanné, ramasser un fils un peu le bistrot pour aller boire. Des anglos qui chantonnaient ma sweet lord, y'en a un qui cherchait des bébés de pack, j'y en ai mis un dans le poids. Il circulait les mains au visage, puis il m'a dit You can't have a, j'comprends pas, il est à côté de moi. Viens tard qu'on part, direction motel Bonaparte. J'te ramène ma belle, tu vas voir. Monter sur un mail au milieu des clochards de l'amour de soi. Monter sur un mail, j'te ramène ma belle, tu vas voir. Thomas Darcy et I Wake Up Every Day sur l'album What We Want à Assemblage Ricky. Il est 8h18 AM. Deux petits points qui clignotent dans le milieu. AM du matin. Amoudi. Ave Maria. C'est pour ça le AM. Ouais. Ave Maria. Non? J'ai des doutes. Bon, j'ai des doutes. Ben tu vois, on n'aura pas ce genre de contenu non fiable dans la chronique Kinky Sexy Time. Kinky Sexy Time, c'est la chronique qui s'adresse à un public plus ou moins averti. Chronique plus sexy, plus kinky, finalement. Ça dit dans le nom pas mal. Ça le résume bien. Kinky, sexy, puis time, parce qu'on prend du temps. T'sais. Donc, on commence avec 54% des hommes qui pensent au sexe à tous les jours ou plusieurs fois par jour, alors que 43% y pensent quelques fois par semaine ou quelques fois par mois, selon un sondage, évidemment. Et 4% pensent au sexe moins d'une fois par mois. Hein? Pas beaucoup. Moi, je pensais qu'il y avait un petit déclic à chaque heure, puis pouf! Oh! Oh! L'alarme, c'est comme il y a des personnes âgées qui ont un petit oiseau sur leur horloge. C'est tellement fatigant. Coucou! Coucou! Coucou! Coucou! J'aime pas ça, ces horloges-là. Ça fait plutôt kinky, kinky, kinky! Mais je préfère coucou, coucou que. Ah, la récréation. La récréation. C'est-à-dire, tourne en dedans, le ballon chasseur est fini, fait que tu vas arrêter d'avoir des bleus partout. Arrête de jouer aux quatre coins. Oh, c'était le fun, ça! Les quatre coins, c'est quoi, ça me rendait, ça me dit rien? Mais c'est normal, tu devais pas jouer dans le cours de la vidéo. Toutes les excuses pour rester en dedans. T'avais quatre coins, puis là, fallait que quelqu'un vole ton coin, puis toi, fallait que tu bouges. C'était un peu comme un jeu de tag, mais réduit, tu sais. Source originale, ouais. Ou barbecue. Balle au mur. Ouais. Ensuite, 25% des femmes pensent que l'argent rend un homme plus sexy. Oh. Logique, le corps des femmes. Le corps des femmes. Oui. Ensuite, la plupart des hommes disent avoir eu moins de 10 conquêtes sexuelles dans leur vie. Conquêtes sexuelles. Ben, ça me rassure un peu. Tu sais, ils sont pas tous des rigolos. Pas tout obligé de les faire bouillir avant. Est-ce que, vu qu'au froid, ça rapetisse et ça rentre par en dedans, est-ce qu'au chaud, ça prend de l'expansion, comme les saucisses when you plump when you cook them? C'est les grosses saucisses barbecue, là. Tu sais, que tu mets sur le barbecue puis ils grossissent. Là. Mais faut que tu fasses attention, si tu les laisses trop longtemps, ça fait. Quand ça dit ça ratatine, les deux. Peu importe, quand tu laisses dans le liquide, ça ratatine. Ça ratatine. On parle encore de saucisses hot dog. Ben oui. Avec extra mayonnaise. Extra mayonnaise. Puis on essaie d'éviter la relish. En tout cas, choucroute! Okay. La vasocongestion. Est-ce que vous savez c'est quoi la vasocongestion? Congestionner les vasos. C'est comme du trafic. Au niveau du. C'est, oui, t'as du trafic au niveau des testicules. C'est là que quand t'as mal parce que ça n'a pas sorti depuis un bout, ça sort pas de son. Ta pochette. Ta pizza pochette est restée sec dans le milieu. Ah. C'est dégueulasse, les pizzas pochettes quand c'est sec dans le milieu. Oh. Oh. Okay. L'éditeur du magazine Hustler, Larry Flint, dit avoir eu sa première expérience sexuelle avec un poulet. Fondateur de Hustler. Hein? C'est comme une alternative à Playboy. Ouais. C'est lapin. Chaque année, tu vas serrer la main à 7 hommes qui se sont récemment touchés et ont oublié de laver leurs mains. Non. 7 hommes. Yeah! Youpidoulidou! Une recherche nous apprend que les femmes vivent aussi de l'excitation génitale nocturne périodique, similaire à ce que les hommes vivent pendant la nuit. Tu sais, les hommes vont se réveiller, ils vont avoir... Morning wood! Non, en fait, ils vont avoir mayonnaisé leur... Mayonnaise. Donc, les femmes ont aussi ça dans leur sommeil rapid eye movement, à la période du sommeil où... Les yeux bougent vite, exactement. Il y a un masturbaton qui s'appelle Come for a Cause. C'est un événement... C'est en Asie, hein? C'est un événement annuel où les gens se touchent en public pour ramasser de l'argent pour les œuvres de bienfaisance. Ben, coudonc. Come for a cause. Je vois Leucan faire ça. Oui, hein? C'est comme si c'était placé. Oh, pour les enfants. Ben ouais, c'est ça. À base d'être Leucan, c'est la queue quand même. C'est bon. OK. Une vedette de la porno. Classée la qualité double A ou... Triple A. Triple D. Peut se mériter 20 000 $ par semaine si elle danse à des strip clubs. Mm-hmm. Oh. C'est une vedette, tu peux aller dans les strip clubs et te faire encore plus d'argent. Moins de 10% des hommes américains de race blanche, les caucasiens, les caucasiens, vont fréquenter des prostituées. Mmh. C'est une baisse de 5% par rapport aux années 50. C'est rendu moins de 10%. Ça a descendu de 5%, donc c'était à 15% dans les années 50. T'es bon en maths? Pas toujours, apparemment. Les gens de la ville... Okay, ont presque deux fois plus de partenaires sexuels que les résidents de la campagne. Ils ont aussi deux fois plus de chances de tromper leurs copains et copines ou de visiter une prostituée. Ben, c'est tout à fait crédible parce que déjà, les prostituées, ça court moins les rues en campagne. Ça court les rangs. C'est pas pire l'image que j'avais eue. Est-ce qu'on vient aux vaches comme, quand on parle de prostituées? Il y a aussi, en ville, c'est plus facile de se cacher. Je veux dire, en campagne, tu connais tout le monde, fait que c'est louche quand tu te promènes avec quelqu'un d'autre puis que, tu sais... Oui. C'est très mémère. Oui, puis quand il fait noir, là, le gars s'insère la main dans la vache, puis oups, c'est une prostituée. Le gars veut rentrer dans la police tard, se rentre dans un... Le boom. Rentre dans une vache. Rentre dans une vache. Exactement. 5% des hommes admettent se faire plaisir deux fois par jour. 5% deux fois par jour, wow. Deux fois, c'est... Fait 14 fois semaine, ça. T'es bon en maths. Colombo. 60 fois par mois de 30. Pas trop loin, non. C'est pas trop loin, comme a dit la vache. on a parlé tantôt de vasocongestion. Ce qu'on appelle en anglais blue balls. Ça, c'est quand t'as mal au testicule parce que t'es pas assez vidé. Hein? Mon Dieu, est-ce qu'on comprend quand je dis mal? Vrai? Ben non, mais c'est le terme, blue balls. Okay. T'as les blues. J'ai le blues. J'ai le blues de la poche. T'as les blues dans le dessous de ma blouse. On m'a noté celle-là. C'est ça? Oui, merci. C'est un terme slang, donc pour une prostate congestionnée, comme on disait, vasocongestion. Okay? Donc, prostate congestionnée causée par une excitation prolongée, une excitation sexuelle chez l'homme pendant trop longtemps sans évacuer le bien le bien du compte conjoint. Voilà. Éliminer le bien du compte conjoint. Wow! Hey, j'en sors dans mon bain matin. Hein? Mm. Est-ce qu'on peut mettre la chronique au complet dans les instants classiques? presque la moitié de tous les adultes vont uriner un peu en ayant des relations sexuelles. Presque la moitié des adultes. Ah? Un petit pipi au lit. Ah. Ah, pas plaisant, mais ouais. L'autopédophilie, c'est le plaisir érotique lorsqu'on s'imagine en tant qu'enfant soi-même et se faire traiter en tant qu'enfant par son partenaire, son ou sa partenaire. Ah! Tu mets un bébé, c'est de l'autopédophilie. Mm-hmm. Ah, ça, je trouve ça bizarre. C'est un peu freak. Hein? Il y avait un épisode, évidemment, parce qu'on en parle toutes les mois, toutes les semaines. Au moins une fois par semaine. Oui, il y avait un épisode où il y avait un monsieur. En fait, c'était monsieur. Moi, j'avais vu un transgenre. Il y en a deux. Qui avait une couche, puis il faisait comme ses besoins dans sa couche. Exact. Ça, puis c'était vraiment intense. C'est freak, mais tu sais, la relation fonctionne bien. Là. Il y avait. Je sais pas si c'était un copain, copine. Je sais que le premier que j'ai vu qui était transgenre, il était pas mal tout seul. Pas mal tout seul. l'autre, c'était le plus dodu gentleman, qui lui vivait en couche dans sa gigantesque bassinette fabriquée à la main et lui cherchait une gardienne. Wow. Il se magasinait une gardienne sur genre Kijiji. Mais tu sais, déjà, quand t'es transsexuel, c'est déjà difficile de trouver quelqu'un qui va t'accepter comme t'es. Mm-hmm. Là, en plus, t'as quand même ce fantasme-là, même s'il est rendu un fétiche qui est quand même assez étrange. Je pense que ça fait un combo qui vient faire que c'est assez difficile de trouver quelqu'un pour Mais toi. C'est clair. C'est intense. Est-ce que c'était il ou elle dans ce cas-ci? Je sais pas. La personne, on se rappelle pas. Sinon, on utiliserait des termes corrects, mais on s'en rappelle juste pas. Va trouver quelqu'un. C'est sûr. Éventuellement. Mais c'est ça. Ça Donc, va être quelqu'un de persévérant. Très spécifique. Ouais. Et sois pas trop sélectif sur le physique. Ouais. Je pense que. C'est ça. Donc, l'autopédophilie est le terme. tantôt, on parlait de quand t'aurais des relations sexuelles. Jean-Philippe les voit à l'avance, puis je vois sa face, puis c'est comme... Oh, est-ce qu'il va le dire? Oui. Donc, tantôt, on parlait que la moitié des gens faisaient un petit peu pipi lors des relations sexuelles. Bon, ça va. Mais la plupart des femmes vont un petit peu déféquer lorsqu'elles accouchent. Ah, ben... Tu forces à un moment donné... Ben, c'est ça. Honnêtement, je sais pas comment tu fais pour forcer autant localement. Oui, hein? Faut que tu sers un bord, puis que tu pousses de l'autre. Non, je suis pas sûr que ça me rappelle une autre émission qui n'est pas mon étrange dépendant, donc je peux la dire, c'est là parce que j'ai droit à une fois par semaine. c'est Caroline, c'est quoi? Enceinte sans le savoir en français, je crois. Oui, oui. C'est I didn't know I was pregnant. Je savais pas que j'étais enceinte. Mais en français, c'est enceinte sans le savoir. C'est juste drôle. Genre, il accouche dans la toilette. OK. Je pensais que j'étais juste en. Que j'avais pris du poids, tu sais, puis bon, j'avais envie de cornichons dans ma graine glacée, mais bon, je me suis dit, y a rien là, ça arrive, c'est une phase. Il y avait des choses qui me poussaient dans le ventre, c'est ça. Je me suis dit, oh, ça doit être ce que j'ai mangé. Flock! Flock, flock. Pas un cornichon, non, c'est un enfant. Yeah! Bravo. Ouais, mais la plupart des femmes dont tu te parles dans ces émissions-là, ils ont juste aucun symptôme, là. Non, mais. Il y en a qui apparaissent même pas physiquement, tu sais. Mais il y en a aussi que ces gens, ils ont une dépression, donc ils vont prendre du poids de toute façon, puis là, ils sont enceintes sans le savoir, c'est vraiment juste ça. Il existe un musée en Islande qui est dédié entièrement au pénis. Cool. Un Américain sur quatre est trop fatigué pour avoir des relations sexuelles. Mais moi, j'entends souvent la phrase, ah, ça se peut pas de pas vouloir avoir des relations quand t'es un homme, mettons, ça se peut pas, t'es dérangé, gna gna gna. Je sais pas. Mais c'est juste comme, en général, mais tu sais, je veux dire, il y a des femmes nymphomanes, puis il y a des gars qui ont, tu sais. C'est ça. Faut que tu trouves un juste milieu. Pis... ça. C'est pas parce que toi, tu trouves pas ça normal que c'est de même pour ta population. Tu ne représentes pas la population. Non. C'est juste des clichés. Des clichés. 40% des femmes n'auront jamais d'orgasme avec leur partenaire. 40%. Oh. On accélère. Il y a une condition médicale qui fait que les femmes vont passer de la défécation à travers leur orifice vaginal. Hein? Ouais, c'est une condition, c'est comme ça. J'ai pas le nom, malheureusement, mais il y a une condition qui fait que tu vas par le... Je me sens mal. Ouais, c'est pas le fun. Bon déjeuner. Les femmes ont une meilleure chance de se rendre au but final pendant les relations si les murs de leur engin féminin, leur canal, est stimulé. Donc, c'est vraiment la largeur de l'appareil masculin qui va aider à se rendre là parce que c'est les murs de la paroi. Ben c'est ça, la paroi puis les murs. C'est seulement quelques centimètres au début, donc ça peut être, tu sais, trapu. Trapu. Waouh, comme les doigts trapus. 70% de tous les. C'est drôle de ça. Oui. Tu sais, CEO, on parle de Chief Executive Officer, on pourrait parler quasiment de directeur général. Donc Jean-Philippe, je te demande ton opinion. 70% des directeurs généraux. Est-ce qu'on dit ça au pluriel, directeur général? disent que les affaires au bureau, donc les relations entre les employés, sont parfaitement OK. Excellent, 70%. Tout est OK. Tout est OK, pas de problème. Tout est OK. Mais ça, c'est selon le DG ou le CEO en anglais, mais pas selon le conseil d'administration. Oh! Parce que là, il y a, attends un peu, des choses à savoir là-dedans. Des statuts et règlements. Dû à l'angle du nerf optique qui est relié au cerveau. Regarder une surface bleue pendant les relations sexuelles va augmenter l'intensité de l'orgasme. Je m'en vais au Rona! Au Rona! Est-ce que t'as bleu à venir, genre? Bleu venir. Bleu bien dit. Le mauve que porte Jean-Philippe si fièrement, oui, peut-être pourrait aider aussi. C'est calmant, du mauve, non? Peut-être. Alors, essayons-le. Cancège. Maintenant! Cancège. La table du studio est encore assez grande pour ça. C'est pas mauve dans ta cuisine? Les femmes qui... oui. C'est vrai, dans la cuisine, tu vas pouvoir t'en reparler. C'est noté. Les femmes qui se touchent régulièrement ont plus de chances d'avoir un orgasme lors des relations sexuelles. Car elles se connaissent. Ah! 90% des hommes vont se réveiller en Morning Wood, comme on l'a dit tantôt. 90% des hommes. Moi, ça m'arrive 100% du temps. Avis à tous. Avis à tous. Wow. 67% des hommes préfèrent que les femmes se rasent. Tu vois, j'entends tout le temps l'opinion et l'opinion a l'air très, très genre, c'est comme ça, donc ça va être de même. C'est quoi? Tu peux-tu redire ça? 67% des hommes préfèrent que les femmes se rasent en dessous de la frontière américaine ou mexicaine. Ben, mexicaine. Ça dépend des... Caliente. Ouais, c'est ça. Mais donc 67% des gens considèrent que c'est mieux rasé. Donc, tu vois, moi, j'entends tout le temps, « Ah, tout le monde que je connais, puis c'est de même, puis je sais que toute la population entière, c'est mieux d'avoir du poil. » Tu vois, moi, j'étais convaincu du contraire, et l'étude le prouve. Mais là, ça dépend. Là, t'as comme deux zones distinctes, là, passé le Mexique, là. Oui. Oui. En avant et au milieu de l'équateur. On mêle les analogies. Analogie. Ouais. Non, mais on va le laisser faire. Ça me tente pas pantoute de faire un dessin là-dessus. De le montrer, non? Moi, j'aimerais savoir un rapport sur mon bureau. Oh! Pour demain. Rapport trimestriel. Non, il n'y a pas de jeu de mots là-dedans. Trimestriel. Yay! Quelle heure? 8h33. Ouais. Merci, Jean-Philippe. Donc, 67%. Et je respecte totalement l'opinion contraire parce que j'entends, et là, je vais ratisser large jusqu'à plus mince vers une personne précise qui va se reconnaître, qui disait, j'ai l'impression de le faire avec une jeune fille de 11 ans. quand elle est rasée. Je le comprends. Mais tu sais, rendu là, je pense un peu tout simplement une décision qui se prend en couple. Voilà. Tu vois avec quoi t'es à l'aise. Pis... C'est ça. Et tout ce que j'apporte ici, c'est un fait. Selon une étude, 67% des hommes préfèrent. Ça va pour les gars aussi, là. Oui. Exactement. Mais là, on parle des hommes qui préfèrent les femmes. Est-ce que j'avais dit pour l'accéléré? Est-ce que je laisse tomber le reste de la chronique? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, Marie-Pierre doit attendre sur le bord de la porte. Elle peut entrer si elle veut. Ouais. Si t'es là, Marie-Pierre, rentre, là, puis on va continuer. On dirait un intercom. Marie-Pierre Lafond-Bourrel, m'en est à la première rangée. Marie-Pierre Lafond-Bourrel, m'en est à la première. Ah, là, merci, Marie-Pierre. Pour cela. On a l'air loser quand on appelle du monde à la radio. On fait plus ça, hein? Non. Moi, je trouve ça drôle, par exemple. Ben oui, c'est drôle. Également, le propriétaire d'un Ford. Propriétaire d'un véhicule, immatriculé. OK, on se déniaise. je veux pas le faire, ça, là. L'as-tu vu, ça? Ouais, oui, ah, ben là. OK. La quantité moyenne... Non, je l'avais pas vu, mais... De liquide qui sort d'un homme est d'environ une cuillère à table ou 10 cc. C'est comme ça que les groupes 10 CC et Loving Spoonful ont eu leur nom de band. Loving Spoonful, il y a un band qui s'appelle comme ça et c'est des petites cuillerées d'amour. Mm-hmm. Oh. C'est du jus de garçon. C'est beau. Ajoutez à cela une tasse de lait avec de la farine. Oh, quand même. De la colle. Ouais. Ça lève au four. C'est Madame Pillsbury. Ben voyons. Ah, je t'ai épuisé, moi. Moi aussi, je t'ai épuisé. Par contre, on va arrêter ici, OK? Pour en écouter une. Ben non, mais c'est parce que je savais très bien qu'en parlant de jus de garçon, je pouvais pas faire autrement que jouer une de mes chansons préférées du palmarès de C'est fou depuis les 10 dernières années. Depuis que j'écoute les palmarès C'est fou. Depuis que le monde est monde. Depuis que le monde est monde, depuis que Dieu a inventé C'est fou. Une de mes pièces préférées était Le Nom. Ben en fait, pas la, ça, c'est le nom du band, Le Nom. Le Nom. J'aurais dû te dire dans l'ordre. Donc voici la pièce Jus de garçon. La plante que tu m'avais achetée est rendue toute desséchée. Il me semble que je suis bien capable de faire sans toi. Je suis même plus capable de me lever. Tu me faisais toujours un café. Je sais que t'as d'autres qualités. Et ça m'énerve le blé. Je suis un grand garçon, je peux me redresser. T'as pas à t'inquiéter. Une de perdue. garçon, le nom. Le nom. Le nom du groupe, c'est le nom. C'est ça, c'est à peu près ça. Et au retour de la pause, la chronique aléatoire, chronique etc. de Marie-Pierre Lafourche-Bourret, on va parler de cinéma encore une fois. Et toi, je pense que tu vas nous résumer les pubs qu'on a ratées en skippant les pubs avec la petite machine belle. Ouais, je skippe ça. Là. Personne qui va passer outre les pubs. Tellement. Mais vous, par contre, allez devoir les vivre à l'instant. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est fou, c'est fou. Comme à la vie. 89. Le plan de demain à assemblage requis. Dans d'une filée à l'autre, Maxime Bilodeau nous parlera de l'importance de l'échec pour la réussite. On recevra nos fidèles chroniqueuses du jeudi, Adjul Durocher et Jocelyne Raymond-Dréville, et on discutera de politique avec François Landry et sa chronique Logocratie 101. C'est demain, jeudi, 7h. Ah, c'est fou. Hein? Mm-hmm. C'est fou. Hey, je suis très bien, hein? Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours assemblage requis, il est 8h41, Jean-Philippe Charbonneau est là. Mathieu Plante est toujours là. Stéphanie Paradis aussi. Oh que oui. Oh que oui. Hey, ça manque. Comment? Ah oui que oui. Du quick ou aux fraises? Oh. Ah non. Pas d'accord. Non? Ben ça fait longtemps, hein, mais moi je suis sûr que j'aimerais ça. Aujourd'hui, on est tous habillés de couleurs différentes. Aujourd'hui, moi j'ai du bleu très très azur, style comme genre full. Stéphanie a du rose. Non, flash. Je m'excuse, c'est sable mouillé et corail. D'accord. OK, mais c'est du rose et du brun, mettons. Jean-Philippe est en mauve, oui. Très flash aussi. Et Marie-Pierre Lafourche-Bourret arrive en jaune flash, oui. Avec des encres de bateau dessus. Oui, c'est l'été aujourd'hui. C'est pas jaune flash, c'est jaune moutarde. C'est vrai que c'est comme j'ai un jaune de manger un hot dog. Ah oui, hein. Moi, je te prendrais rôti. Stéphanie, tu te gâteras aujourd'hui. Oh. Tu t'es remangé des hot dogs. Ah, je pensais que j'allais me gâter sur toi. Non, non. C'est fini. C'est fini, les blagues osées. Les gars, je m'en voudrais te sortir. Tantôt, c'était mange-moi l'hot dog, puis là, c'est comment, les filles, là, voyons. Hey, c'est toi qui parles de mangeage de hot dog. Squeeze-moi la bouteille, puis voyons. Ben oui. Couille bleue puis tout. Couille bleue. OK, là, ça va faire. Je dois mettre mon pied à terre pour accueillir de la classe dans l'émission. Marie-Pierre Lafourche-Bourret, on sait, c'est la personne la plus classe que je connais. Ah. Donc, voici sa chronique, etc. Oh. Bonjour. C'est magnifique. Bonjour, tu fais bien ça. Tu es sur la note. Je vais jouer du xylophone. Xylophone. Oh, cool. Donc, on parle comme toujours, on a pris l'habitude depuis les derniers mois à parler de cinéma ensemble. Oui. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui encore. Non. Non! Oh, Stéphanie m'a menti! J'ai dit presque confirmé. On se touche. Mais je savais que... Ah! Ah! On s'est touché les doigts, on se pointait. Puis... Comme E.T., hein? Comme Mais non, aujourd'hui, je vous parle même pas de cinéma. Parce que dans les dernières semaines, j'ai pas eu le temps d'écouter de films. Et j'en avais plus en banque. Donc, oui, j'ai écouté des films et j'en connais plein, mais tu sais, à un moment donné, t'as pas tant envie d'en parler. Non, puis c'est une chronique, etc. C'est une chronique et autre. Faites pour voilà. Le plaisir. Voilà. Mm-hmm. Donc, je déroule fais honneur, tu sais, pour perdre. Je raconte la vérité dans le sens, etc. Là, depuis le début, c'était cinéma. Donc, ça ne fêterait pas si je ne mettrais pas autre chose. Faut que tu mettes un effort sur la variété, ouais. C'est ça. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe slash d'un album. Il y a deux semaines, quand j'étais venue, j'avais fait jouer une chanson parce que j'étais en train de découvrir un groupe qui s'appelle Algi. Mais en fait, non, il ne s'appelle pas Algi, mais leur groupe, leur nom, c'est un triangle. Ouais. Mais qui est fait... Quand t'as un Mac... OK, moi, j'en ai pas. Mais j'ai lu que... Jalouse. Quand t'as un Mac, puis tu fais Alt et J, ouais. Ça fait un triangle. Oui, donc, attends, je vais faire Alt et J. En effet, ça fait un triangle. Et en voilà. Effet. Donc, j'apprends. Leur nom de groupe, c'est le fameux triangle. Mais comme tu peux dire juste triangle, c'est plate, c'est Alt J. S'il y avait du triangle dans ton fond, ça pourrait fitter. Steph, non? Ding! Voilà, merci. Oui, c'est ça. Même titre de triangle. Je me suis sentie comme David Ferron. Le bruiteur. C'est lui qui jouait du triangle de la bouche. Oh. Oh. Il est plus là le mercredi une semaine sur deux. Donc on... C'est lui qui tape des mains. Pourquoi ça mène nulle part, cette chronique-là? C'est non, OK, là laissez-moi ma place. Là. Bon. Come on. Je suis à semi-réveillée, là, mais j'ai quand même le droit de parler. Bon, donc, Algi, c'est un groupe rock indie d'Angleterre. Il est formé de 4 musiciens. Attention, je vais leur nommer leur nom. Donc, si un jour ça devient le groupe le plus intense de la planète, le plus populaire, ben, au moins j'aurais dit leur nom. Donc, il y a Girl Sainsbury, Joe Newman. Donc, c'est des noms qui sont quand même, qui sortiennent bien. Joe Newman. Ouais, c'est cool. Tom Green. Jean Nouvel Homme, Tom Levert. Gus Unger Hamilton. Et Gus Ayn Hamilton. Unger. Ouais, c'est ça. Chèque, c'est ça. Et, bon, le groupe est formé, a été formé en 2007, alors que 3 de ses membres étudiaient aux Beaux-Arts à l'université. Et le 4e membre étudiait en littérature. En littérature anglaise. Ça te rejoint, ça. Oui, ça me rejoint. Et 2 d'entre eux habitaient le même immeuble. Et un jour, ils faisaient leur lessive. Donc, ils lavaient leurs vêtements. Et ils se sont mis à jaser. Ils se sont bien entendus. Et bon, c'est comme ça que ça a débouché sur une amitié qui a débouché sur un groupe. Mmh. Et leur premier album, An Awesome Wave, donc une vague formidable, mm-hmm. est sorti en 2012. Et on nous dit que ce serait tiré de la chanson Blood Flood. Puis c'est question d'une peur d'être submergé, donc une vague bon, immense. Genre, est-ce que ça représente la vie de se faire submerger par les problèmes de la vie? Peut-être qu'une métaphore derrière ça. Ben, souvent la noyade. Je crois que j'ai lu que, en fait, eux, c'était plus d'être un petit groupe indépendant puis d'arriver sur l'industrie du disque. Ah, donc okay. La peur d'être submergé. Ouais. Par l'industrie. Bon, c'est une référence à American Psycho, donc le livre, il y a un film qui est tiré du livre, de Bret Easton Ellis. C'est ce qu'on nous dit. Aussi, quand je regarde, l'album a gagné un prix Mercury. Donc, c'est un prix qui est donné chaque année, Mercury Awards, à un album britannique, bon, un peu alternatif. Et pour vous donner une idée, donc je crois que c'est assez prestigieux parce que si on se fie aux personnes qui les ont gagnées dans les années précédentes, il y a entre autres en 2011 PJ Harvey avec oui. son album Let It Go and Shake. Et en 2010, il y avait DXX. C'est bon ça? Oui. Mm-hmm. Et d'autres années auparavant, il y a Arctic Monkeys et Franz Ferdinand. Donc, c'est des groupes qui sont restés et qui ont continué à faire de la musique. Oui. Donc, j'espère que ça va être la même chose pour eux. Mais j'ai fait, oh, OK, c'est quand même pas si mal de recevoir ce prix-là, hein? Et, bon, sur l'album, il y a d'excellentes chansons. Ça fait 2 semaines que j'écoute l'album non-stop. Il y a que ça qui joue dans ma radio. Même moi, ça doit commencer... Tu sais, dans le sens que je l'écoute. Heureusement que personne présentement habite avec moi parce que je pense que la personne serait tannée. Parce que, bon, à un moment donné, on connaît l'album, mais c'est pas assez. Et sur l'album, il y a 2 chansons, entre autres, qui ont des références. Il y a la chanson Mathilda, que je vous avais fait jouer il y a 2 semaines, que c'est une référence à un film de Luc Besson, qui est un réalisateur français. Et le film porte le titre suivant, soit Léon. Et dans le film... bon, j'ai lu un peu un résumé du film, c'est un peu intense. Il est question d'un agent de la police déguisé, caché, un peu style FBI. Et d'une petite fille qui voit sa famille être assassinée devant elle et qui va demander l'aide de son voisin qui est un tueur à gages. Et bon, la petite fille se fait tuer ou quelque chose comme ça. Et l'homme, à la fin, il prend une revanche, le tueur à gages. Et bon, il y a une bombe qui explose puis il dit « This is for Mathilda ». OK? Donc, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'était vraiment nébuleux tout ça. J'étais comme « Puis c'est un musical. Non. Non, mais bon, il est question d'un tueur à gages qui se fait exploser à cause d'une bombe puis il dit « This is for Mathilda ». Et la chanson, ils reprennent cette phrase-là « This is for Mathilda ». Et bon, c'est à partir de ça qu'ils ont créé la chanson. Et une autre chanson, la dernière de l'album, si je ne me trompe pas, qui porte pour titre Tarot, ça explique la mort du photographe de guerre Robert Capa. Donc, un photographe, si je ne me trompe pas, des années 40, quelque chose comme ça. Donc, il a couvert plusieurs guerres. Et il est mort en sortant de, si je ne me trompe pas, de quelconque véhicule de guerre. Et il a pilé sur une mine. Donc, ça raconte l'histoire. Et Taro, ben oui, mais c'est qui Taro? C'est sa femme. C'est la femme de Robert Capa. Okay. Donc, il y a des références un peu à l'art. Oui. Des références aussi donc à la littérature, comme on peut voir, Bret Easton Ellis. Et l'album, sérieusement, tu sais, la voix du chanteur, c'est pas la plus belle voix de la planète. Je vous l'annonce officiellement. Même à la limite, des fois, tu fais « Ouh, c'est spécial comme voix. » Mais c'est quelque chose qui va chercher. Donc, moi, je suis pas une fille qui aime les chanteurs à voix ou quoi que ce soit. Donc, ça vient me chercher. Et bon, leur album, c'est un peu spécial parce que c'est un mélange de plein de choses. Donc oui, ça touche à l'indie rock. Des fois, c'est un peu hip-hop à la limite. Des fois, c'est plus calme, plus doux, comme la chanson Mathilda. Et bon, il y a beaucoup d'harmonie vocale, donc deux chanteurs qui font des harmonies ensemble. C'est un album qui est excellent. Du début à la fin, il n'y a pas une chanson que j'aime pas. Et c'est très... ça fait un objet. Dans le sens, c'est très, très cohérent. Et malgré le fait que ça soit très, très différent d'une chanson à l'autre, donc un peu hip-hop, puis il y a des chansons qui donnent vraiment envie de danser, dans le sens que... Non, c'est vraiment... c'est très, très différent d'une chanson à l'autre, mais ça forme un tout très, très cohérent. Et sur ce, je vous invite à aller entendre deux chansons, donc une à la suite de l'autre sur l'album, soit Interlude 1 et Tessellate, qui se suivent, c'est la deuxième et la troisième chanson de l'album. Donc, bonne écoute. She, she, she, she, only a fa, fa, fa, fa, fa, waltz to, two, count her steps. 18 strides and she stops to abide by the law that she herself has set. That 18 steps is one complete set, and before the next 9 right and 9 left. She looks up at the blue and whispers to all of the above, don't let me drown, don't breathe alone. No kicks, no pangs, no broken bones. Never let me sink, always feel at home. No sticks, no shanks, and no stones. Never leave it too late, always enjoy the taste of the great, great, great, great world of hearts. As all dogs everywhere bark, bark, bark, bark, it's worth knowing. Like all good fruit, the balance of life is in the ripe and ruin. My chunks are me. You're a shark and I'm swimming. My heart still thumps as I bleed. I know your friends come sniffing. Triangles are my favorite shape. 3 points where 2 lines meet. Toe to toe, back to back, let's go. My love is very late till morning comes. Let's desolate. Keep my all lovely while breeze stones along my love. Keep us on my heart. 3 guns and 1 goes off. 1's empty, 1's not quick enough. 1 burn, 1 red, 1 red. Set a grace while the candle spins. Chunks of you will sit down to seals. Blubber rich in morning. I'll mash you up, yes, I know she'll love away. But it's fair to say, you will still haunt me. Triangles are my favorite shape. 3 points where 2 lines meet. Toe to toe, back to back, let's go. My love, it's very late till morning comes. Let's desolate. C'était Interlude 1 et Tessellate de Alt J ou Le Triangle. Le Triangle. Ding, ding, ding, ding. C'était vraiment très, très bon. Oui. Bon. Et c'est ce que j'aime d'eux, c'est que, bon, c'est deux chansons qui suivent sur l'album. La première, c'est que des harmonies vocales. Il n'y a pas de musique, ben, il n'y a pas d'instrument qui joue. C'est minimaliste à fond. C'est très, très minimaliste et tellement bon. Et la deuxième, bon, complètement différente de l'autre, mais sur l'album, ce qui est le fun, c'est que les chansons s'enchaînent très bien comme ça. Donc, comme s'ils allaient ensemble. Bon, on l'a laissé naturellement. Il y avait un petit silence entre les deux, comme sur l'album. C'est vraiment littéralement comme ce que vous allez entendre si vous écoutez l'album. Mm-hmm. Bref, pièce 2 et 3, tu disais. Oui, pièce 2 et 3. Tu vas nous faire entendre une autre pièce tantôt aussi. Et cette pièce-là, bon, il y a un vidéoclip pour cette pièce-là que j'ai pas regardé, mais attendez, il y a un vidéoclip qui a été fait par des étudiants en art, si je me trompe pas, et des étudiants qui étudient probablement en cinéma ou quelque chose comme ça. Et bon, ça a été fait en collaboration. Et ce vidéoclip-là est vraiment spécial. Bon, c'est un mélange. Il y a des gens qui dansent à l'intérieur de ça. Il y a beaucoup de questions de signes religieux. Dans le sens que je crois qu'ils ont filmé un peu dans une église. Ils ont filmé des vitraux. Et il y a entre autres une personne qui a un tatou partout dans le dos, donc qui représente des signes religieux. Et bon, le tatou en mouvement, ça donne des effets vraiment spéciaux. Et bon, ça fait un peu drôle que je vous en parle comme ça parce que bon, je peux pas rendre justice à ce vidéoclip-là. Il est super riche. Et bon, il y a de la danse dedans, donc ça vient me chercher un peu. Oui, ben oui. Et c'est à la limite, c'est drôle parce que c'est à la limite du hip-hop parfois. Donc, il y a des petits trucs comme ça qui reviennent, tu fais « Oh, là ». Au début, j'étais comme « Est-ce que j'aime ça? » Je savais pas trop. Mais à force d'écouter, tu fais comme « Ok, oui, tu peux pas ne pas aimer. » Tu peux aller poster le clip, si tu veux, sur la page d'Assemblage Rocky. Oui, je pourrais faire ça. Donc, c'est pas le vidéoclip officiel du groupe, mais c'est un très bon vidéoclip. Mais par contre, ils ont d'autres vidéoclips plus officiels. Entre autres, un, c'est une histoire quelconque, une histoire de drame familial ou quelque chose comme ça, mais à l'envers. Okay. Donc, tu commences de la fin de l'histoire pour aller... dans ça, c'est backwards, dans le sens que c'est un vidéo qu'ils ont mis à reculons. Et là, c'est de comprendre. Tu arrives au début et là, tu comprends comme l'histoire. Tu fais « Ah, OK ». Donc, non, c'est super intéressant. Ils font des trucs spéciaux qui sortent un peu de l'ordinaire. Quoi. Et la chanson, c'est « Fitz Pleasure » de Algy. Génial. Et on revient après avec Marie-Pierre Laforge-Bourret. C'est la chronique « Etc. » Tra la la tra la tra la la tra la la tra la tra la la tra la la tra la tra la la tra la la tra la tra. In your sight, we is pleasure. Boom, she pleasure. Googling every pleasure. worried one. C'était Fitz Pleasure de Alt J. Donc, je vous conseille fortement cet album qui est An Awesome Wave, une vague formidable. Formidable! Oui. Marie-Pierre Laforge-Bourret, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Chronique, etc., qu'on retrouve toutes les deux semaines, les mercredis à 8h30. Oui. Pas mal ça. En alternance avec David Ferron. Hein? Oui. Notre coquin joueur de triangle. Oui! Extrême à l'autre. Qui a tué l'autre jour son alter ego ou quelque chose comme ça. J'ai pas tout compris. Non, il est pas mort, Gustave. En fait, c'est une simulation. Ah. Gustave est présentement caché chez moi parce que je sais pas s'il y en a qui sont pas au courant, là, mais j'ai eu une brève relation avec Gustave. Oh! Donc, c'est vrai que c'est français. C'est un français, hein, Gustave. Et toi, les Français? Ça, c'est germain, les Français. Sacré Français. Bon. C'est ça. Voilà pour cette chronique-là et cette émission-là d'Assemblage Requis qu'on vient de vivre ensemble. Un bon moment qu'on a vécu pendant 2 heures approximativement. Et on va faire la même chose demain entre 7h et 9h. Oui, monsieur. Et demain, on aura Maxime Bilodeau pour se coller d'une foulée à l'autre. Quelle est l'importance de l'adversité, des reculs et de l'échec dans l'acquisition et le développement du talent? Les traumatismes sont-ils nécessaires à ceux et celles qui aspirent à la réussite? Est-il réaliste de penser accéder à la plus haute marche du podium en ne s'exposant jamais au risque de se tromper, voire même de sérieusement se casser la gueule? Rendez-vous donc jeudi matin à 7h30 pour la réponse à ces questions et les réflexions qui les accompagnent dans le cadre d'une foulée à l'autre. On va aussi avoir Anne-Julie Durocher avec l'Index, Jasmine Raymond-Dréville et la chronique de la GEQTR. Et finalement, on va parler de politique avec François Landry. C'est demain. On remercie Stéphanie Paradis. Ben, merci à toi, Mathieu Plante. Et merci à toi, Jean-Philippe Charbonneau. Oui, merci. Impeccable. Impeccable. Merci à Marie-Pierre Laforge-Bourret. De rien. Merci à vous à la maison. Vous soyez d'avoir été à l'écoute. Restez à l'écoute, évidemment. Je me répète dans mes mots. Pour le dîner de con qui commence à 11h avec Danny Janvier. Ensuite, le voyage insolite et album classique en rappel. À 15h, de retour en direct avec Dans mes écouteurs et de l'indie rock. À 16h, c'est du rap. Avec Rap Fusion et les Big Mac Show à 19h, de l'électronique avec Électrotactile, 21h PCTR, 22h Transformer, Sifu.ca pour le site de la station, la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balados de diffusion. On se quitte avec une pièce que Stéphanie nous a choisie. C'est le nom du... C'est You Can't Lose If You Don't Play de André Papanicolaou. Bonne journée. Bye bye. You can't lose if you don't play. You can try your best to win, but best get out the way. You can't lose if you don't play. You can't lose if you don't play. Hey. You can try your best to win, but best get out the way. Trouble late. I got terrified along the way. Nothing but trouble late. Best to win, best get out the way.